tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, ouais. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir là, en pleine forme tout le monde. Bonsoir. Allez, tant mieux, on est là jusqu'à 23h. Oh, ah bah déjà avec la pression là, il y a déjà Wendy qui dit c'est parti pour 3 heures de pur délire. Ça nous met la pression parce que là on avait décidé de rien foutre ce soir. Donc donc là du coup on est un peu en stress là, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée et puis on souhaite une bonne fête de l'Aïd aussi hein, à tous ceux qui ont terminé là, ça y est, Ramadan est terminé. Et bravo également à BFM TV que j'ai vu ce matin où ils souhaitaient également la bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans avec ses 40 jours de jeûne. Ouais. C'est dur. Ouais, c'est. Oui, bah, français d'avant, hein, c'est quand même un petit peu mieux, effectivement. C'est parce que sur BFM, les jours sont plus longs. Ah oui, ça doit être ça, effectivement. Ouais. Bon, comme tous les soirs, vous venez parler avec nous de ce que vous voulez. Hein, vous connaissez le principe. 01 42 48 5000, ça c'est le numéro du standard. Vous nous appelez d'où que vous soyez en France. Et puis 02 851 4x0, c'est aussi le numéro du standard. Mais là, vous nous appelez d'où que vous soyez en Belgique. Bon, est-ce que vous avez été voir la vidéo que je vous ai mise sur le Facebook là, cette nuit? Non. Bah oui. Bah oui. La meuf là, une meuf qui danse au bord de sa piscine. Et là, évidemment, la catastrophe. En fait, elles sont deux, c'est-à-dire qu'elles essayent de faire une choré, elles sont filmées de derrière. Donc il y en a une qui commence à danser, mais elle est du côté extérieur de la piscine, et l'autre qui est du côté piscine. Et donc forcément, au moment où elle saute, bah forcément, il y en a une avec le pied qui tombe dans la piscine et puis elle se casse la gueule. Bref, un drame. Je sais que c'est mal de se foutre de la gueule des gens comme ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc allez voir sur le Facebook et puis laissez vos avis également. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, par exemple, hein, facebook.com/mikl officiel, si vous n'avez pas encore été voir ça, c'est à mourir de rire, allez-y. Et puis ce soir, on va parler aussi des lieux insolites où vous avez déjà fait l'amour. Non, je vous demande ça parce qu'en fait, il y a ces deux personnes en Belgique qui ont essayé leur futur lit, mais directement dans la boutique. Voilà, c'est genre un magasin de literie en fait, et ils se sont dit, bah, on va essayer directement, autant qu'à faire, autant prendre directement le bon lit quoi. Bah, ce serait con de prendre le lit, de le ramener à la maison et puis se rendre compte que le truc il est pas si bien. Ça rebondit bien. Voilà, bah, s'il est pas assez confortable, tout ça, etc. Donc voilà, donc si vous avez déjà fait l'amour dans des endroits un peu particuliers, n'hésitez pas à venir nous en parler, pareil, hein, vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Et puis on va aussi réécouter les appels au restaurant chinois d'hier soir là, on a fait ça juste avant la fin de l'émission là, c'est ce qu'on avait fait vers 22h40 je crois, un truc comme ça. Vous les avez réclamés sur le Facebook et le Twitter hier soir, donc on va vous les rediffuser ce soir sans problème. Alors pour rappel, on avait fait ces appels parce que j'ai vu une info où il y a un mec qui a tué sa femme, et au lieu d'utiliser des trucs normaux, c'est genre l'acheter dans la Seine par exemple. Oui, c'est normal ça. Ouais, bah voilà, c'est ça, pour se débarrasser du corps, tu vois, par exemple, là bah il a préféré la servir dans son restaurant hein, comme plat principal, voilà, et comme c'était dans un restaurant chinois, il a mis des morceaux de sa femme dans des nems. Et donc du coup on avait appelé des restaurants hier et c'était assez improbable le nombre de réponses, puisque les deux restaurants qu'on avait appelés disaient ouais mais pas de problème, ramenez-nous le matos et puis nous on découpera pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Toff avait appelé hier soir pour essayer de refourguer justement la femme. Oui, parce qu'en fait voilà, je vous explique, je viens de tuer ma femme. Et donc je me demandais si peut-être j'aurais pu vous la confier pour la mettre dans des nems. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y avait pas de souci, donc ça c'était plutôt cool quand même. Hein. Donc je vous l'avais promis aussi hier soir, ce soir, attention, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Et oui, j'ai envie de dire roulement de tambour. Allons-y. Allez, oui. Roulement de tambour, c'est parti. Ah oui, il dure 3 minutes. Hein. Non, mais c'est le suspense. Voilà. Donc ce soir, je vous l'avais annoncé. Oh, c'est long. Bah quoi C'est le roulement de tambour. Ouais, c'est un roulement de tambour. Exactement. T'as pas de tambour. Voilà, voilà. Ah. Ce soir, donc, je vous l'avais promis hier, on va essayer le masque au caca de rossignol. Oh. Ouais, c'était une info que j'avais vue sur internet. C'est à New York où on peut se faire apparemment des soins aux excréments rossignol pour la modique somme de 135€. Ah, bah, rassure-toi, Sandro, je te le fais pour moitié prix ce soir. Ouais. Voilà. Allez, je te le fais pour. Et je serai l'esthéticienne. Exactement, ouais. Et donc, on a été chercher le caca de rossignol cet après-midi hein, dans l'animalerie qu'on avait appelé hier. L'animalerie du Pont-Neuf. Et, très bah, voilà. Et c'était Yannick qu'on a dû aller voir. Toff, il a été évidemment. Mais pourquoi en avoir pris autant? Bah, on sait jamais. C'est pour bien te l'étaler sur le visage. Et comme il avait dit hier, Yannick, le mec de l'animalerie, un peu de sable dedans, ça fait gommage en même temps. Tu vois, on est d'accord, ça sort bien de ses fesses. Ça, oui, c'est du caca de rossignol. Ça va sur mon visage. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. On peut négocier. Tu sais ce que je veux. Bah, il veut te toucher les seins. Ah, en échange, c'est du caca sur le visage. Ah, ah, ah, il y a peut-être une ouverture. Hein. Donc on verra ce soir. Hein, on verra ce soir. Bon, donc on fera ça tout à l'heure avant 23h sur Fun Radio. Si vous avez déjà essayé le caca de rossignol pour la peau, venez nous en parler. Après les petits escargots qu'on avait fait il y a deux semaines, il y a les vidéos d'ailleurs sur facebook.com/Mickaël officiel. Ce soir, donc, le caca de rossignol, je pense qu'on va se marrer. Et il y a qui avec nous? Il y a Marie qui est là. Bonsoir Marie. Bonsoir. T'appelles pourquoi Marie? Non, je n'entends rien, Marie. Tu peux me dire pourquoi tu appelles? J'appelle pour savoir pourquoi mon mec il a cassé, parce qu'il m'a pas donné d'explication. D'accord, bon, on va en parler dans un instant, Marie. Tu restes avec nous. On a aussi DJ Ghost qui est avec nous. Salut le fantôme. DJ Ghost? Ah, il a disparu. Bah, il est parti, mais justement, on va essayer le concept. DJ Ghost? Ah. Oui. Ça va? Oui. Ça va, tu m'entends? Ouais, j'entends. Ah, très bien. Tu as un prénom, DJ Ghost? Je préfère pas le dire au cas où, enfin, mais je laisse des dédicaces. Bon, on va t'appeler Jean-Robert alors, très bien. Bon, bah, Jean-Robert là, c'est quoi ton problème, Jean-Robert? Ben, en fait, c'est que une fois j'ai. Après les préliminaires. Ouais. J'ai eu un rapport avec une meuf, et ben. Bon, tu as des problèmes avec ta copine, quoi, c'est ça que tu essaies de nous dire. C'est un peu complexe. En bah fait. Oui, justement, lui aussi, il doit être dans une faille spatio-temporelle avec les fantômes, puisqu'on comprend mal DJ Ghost. Mais on va essayer de te rappeler, t'inquiète pas. On a aussi Alia dans un instant là. Salut Alia. Salut. Comment ça va? Ah, toi, on t'entend bien. Super. Parfait. Bon, Alia, qu'est-ce qui t'amène? De quoi on parle avec toi dans un instant? Disons, j'ai mon plan cul qui tombe amoureux de moi et c'est un gros problème. Ah bah oui, c'est pas prévu pour à la base, effectivement. Bon, on va en parler aussi, Alia, tu restes avec nous. Et puis du son aussi ce soir, on va vous caler le son de Showtech. Ça te branche, Alia, ça, Showtech? Ça, j'adore. T'adores, parfait, très bien. Alors, je vous calerai aussi peut-être le son de Robin Thicke. Voilà, To Give It To You, ça te branche aussi, ça? Ça, j'adore aussi. Ok, tant mieux, t'as vu un peu quel talent quand même on a là. Hein. Et alors, si vraiment, vraiment tu mérites, il y aura aussi Sébastien Ingrosso tout à l'heure. Voilà. Alia, je préfère la version originale si ça te dérange pas. Hein. Il y a aucun problème. Non, mais c'était pour être sûr, pas de problème. Bon, Alia, tu restes avec nous, ne bouge pas de là. Et puis attention aussi, ce soir, vous allez pouvoir peut-être repartir direction Ibiza. Eh ouais, direction Ibiza. Vous avez joué avec nous depuis dimanche. Et c'est ce soir qu'on connaîtra le gagnant ou la gagnante qui partira direction Ibiza avec la personne de son choix. Le transport est compris, l'hôtel est compris et les deux entrées pour aller à la Fuck Me, I'm Famous. Ce sera donc avec la personne de son choix. Et en plus de ça, je vous offre aussi votre caméra numérique. Voilà, à gagner dans quelques instants avec la colle de ce soir. Donc restez bien à l'écoute de Fun Radio, évidemment. Et puis là, on va accueillir Kenny qui est avec nous maintenant. Kenny des Vosges. Salut, salut Kenny. T'appelles pour quoi, toi, Kenny? Bah moi j'appelle en fait pour demander ma fiancée en mariage. Oh, la dernière fois qu'on a fait ça, ça a fait un drame, hein. Est-ce que t'es sûr? Non, enfin, c'est-à-dire que c'était pas une demande en mariage, mais c'était hier en l'occurrence, c'était Ouais, j'ai entendu le mec, il s'est pris plutôt un bon vent quand même. Mais j'espère que tu as prévu comme hier, je sais plus comment il s'appelait l'auditeur, Alain ouais, qui avait fait une déclaration d'amour à sa copine, enfin son ex-copine, il voulait la récupérer mais il avait fait un poème. Est-ce que tu as prévu un poème? Non, vu que. Non, bah fait, tant mieux. Je suis en voiture, donc en fait, j'ai pas le temps de le prendre avec moi, en fait, donc. Ah, mais donc, t'en avais quand même fait un? Ouais, j'en avais fait quand même. Non, mais t'es pas sérieux. Bah, bien sûr que si. Mais non, t'es pas sérieux. Bah, pour une telle demande, faut des belles phrases, non? Et des beaux. Mais oui, mais non, mais d'accord, mais oh là là. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Donc, du coup, de toute façon, tu l'as pas, donc, mythe, c'est pas grave. Non, du coup, je l'ai pas, donc, en fait, voilà. Bon, bah, au final, tant mieux. Bon, bah, parfait. Bon, alors, le concept, donc, c'est qu'on va, on va essayer de l'appeler. Alors, demande en mariage, est-ce que t'es sûr? Certain. Non, mais genre, vraiment, vraiment, t'as réfléchi le pour, le contre, enfin, tout, quoi. On en a déjà parlé, elle et moi, mais on va dire qu'on n'était pas vraiment sûr, parce qu'en fait, elle est enceinte de ma petite fille, en fait. Oh, ah, parce qu'elle est enceinte, mignon. En plus. D'accord. Et elle arrive le 15 octobre. Ouais. Et bah en fait on en avait déjà parlé, elle m'en a parlé, j'en ai parlé, puis on n'était pas vraiment sûr parce que moi j'étais pas trop avec les soucis que j'ai eu avant, ouais, avec certaines filles. Et en fait bah vu que ce qui s'est passé entre nous, je préfère aller jusqu'au bout avec elle et puis au moins après on verra par la suite, quoi. Bon, d'accord, ok. Alors ce qu'on va faire dans un instant, Kenny, c'est qu'on va essayer de te filer un petit coup de main, hein. Déjà c'est la première chose. Et puis ouais, si vous avez déjà peut-être demandé des copains ou copines, enfin vos copains ou vos copines en mariage, comment ça s'est passé, une tôle ou pas? Apparemment toi, faudrait déjà fait une demande en mariage, non? Bien sûr, oh là là. Non, mais je sais pas, je demande. Bien sûr, je, mais moi, beaucoup de moi, fois. Moi qui suis pour le mariage et qui. Non, mais t'aurais envie pu faire de une demande demain. En mariage juste pour coucher avec la personne et après si, la baquer. Si, hein. T'as déjà fait ça, toi. Non, si, j'ai. Non, je me suis marié une fois déjà, mais. Hein? Oui, t'étais là, t'étais ah témoin. Oui, oui, non, ah, mais il y a longtemps, là. Peut-être. Il y a longtemps, ouais, mais ça a duré 24 heures. Oui, mais peut-être, mais je me suis marié. Ouais, c'est vrai, mais c'était il y a 24 heures. Ouais. Voilà, je me suis marié avec une fille que j'appelais femme, parce que c'était ma femme. Voilà, c'est ça. Enfin bon, bref, une histoire. Bon, bah, en l'occurrence, je cherche vraiment des gens qui sont vraiment mariés pour le coup. Donc, si vous avez des conseils à donner éventuellement à Kenny avant qu'on fasse l'irréparable, hein, avant que Kenny se lance et que peut-être Kenny se vautre. Dans un instant, Kenny, on va donc faire ça juste après, d'accord? Vas-y, y'a pas de soucis. Bon, Kenny, allez, bouge pas de là. Oui, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu veux qu'on chauffe, madame? Parce que moi et Steph, on est spécialistes du chauffage, là. On va lui faire 2-3 vannes et tout. Je suis pas convaincu que ce... À moins que t'as envie de te prendre un sacré vent et de te faire insulter, je préfère pas. Oh, j'adore, attends, parce que t'es en train de te la ramener, là. Hein. T'es en train de dire, genre, n'importe quel mec qui appelle, elle va le dégager, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je veux pas la séduire, on veut faire des vannes pour la préparer. Ah oui, pour bah la préparer. Vas-y, vas-y, ah bah voilà. Prépare-la. Bon, ouais, très bien. Vas-y. Bon, bah parfait. Non, parce que après, tu sais, on a toutes les phrases, les phrases parfaites d'hier, hein, qui viennent du site, encore à chaque fois, j'oublie. Paytachnek. Ouais, Paytachnek, voilà, exactement. Et donc, plein de phrases comme hier, hein, qu'on avait lâchées, genre, tu es belle, tu es jolie, jusqu'à au moins 6 heures ce soir. Ouais, dommage que Pâques soit passé, j'aurais bien 2 œufs à te faire manger. Grande classe. Non, c'est bon. Vraiment... Ouais, je l'ai pas lu celle-là hier soir. Après, moi, je vous dis, c'est une italienne, donc elle a un sale caractère. Très bien. Bon, ben, Kenny, ça nous met à la bouche, tout ça. On va en parler dans un instant, Kenny. Tu restes avec nous. Et puis, vous aussi, tiens, on aura Alexis dans un instant. Tiens, t'es là, Alexis? Ouais, je suis là. On va parler des endroits insolites dans un instant? Ouais, go. Bon, bah, très bien, parfait. Et puis, on va aussi s'envoyer le son de Showtech avec Slowdown. Toi aussi, ça te branche, Alexis? Oh bah nickel, cool. On va se faire ça dans un instant, Alexis. Alors tu restes avec nous, surtout la bouge pas de là. Vous aussi, où que vous soyez, n'hésitez pas. Vous pouvez également venir discuter tous ensemble sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/michaelofficiel, avec la vidéo que je vous ai calée également, c'était hier soir, mais elle est encore évidemment sur le Facebook, la vidéo avec les deux meufs qui sont en train de danser au bord de la piscine et une qui se vautre évidemment, sinon c'était pas drôle. Vous allez voir ça maintenant, facebook.com/michaelofficiel sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Michael au 74 900. Nos limites. Michael. Sur Fun Radio. Exactement, et on est là sur Fun Radio, là, avec balancez vos messages, donc vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et puis ça marche aussi évidemment par SMS 74 900, vous débutez le message tout simplement par MIKL, avec plein de messages de Kia notamment, qui dit je me marie dans un an et la demande qui m'a été faite était des plus romantiques, rose, bougie, repas aux chandelles et bien d'autres. Oh, c'est mignon, Kia, bravo. Denis aussi qui dit ouais, je veux les mêmes vannes que Toff, bravo à lui. Tu parles, bah dis donc, t'es pas grand, hein, t'as pas envie de... Elle déchire, grande classe, quoi. Vraiment pas de la grande classe, quoi. Bon, Kenny, dis-donc. Kenny, pendant la pub, t'as réfléchi, t'es sûr que tu veux te marier, hein? Ah, oh bah, bien sûr que oui. Oh, bah, bien sûr que oui. Bon, bah, très bien. Bah, alors, Kenny, reste avec nous. On va te reprendre dans un instant. On va faire la demande aussi. Si vous avez des conseils, vous balancez les conseils. N'hésitez pas. Facebook.com/michaelofficiel. Et en parlant du Facebook, du Twitter et d'Instagram, je vais mettre la photo du caca de rossignol qui est arrivé là. Je vais mettre la photo dans quelques instants. Le temps d'écouter le son de Slowdown avec Showtech, qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. Donc, facebook.com/michaelofficiel. Et puis, pareil, sur Twitter et sur Instagram, vous tapez michaelofficiel également. Le son de Slowdown maintenant sur Fun Radio Showtech, c'est tout de suite. Bonne soirée, bonnes vacances tout le monde. C'est Michael Nolimitch qui a 23h. Et encore un son découvert dans Party Fun sur Fun Radio. C'était Showtech et Slowdown sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Michael au 74 900. Et il suffit simplement de démarrer le message par Michael pour envoyer votre message. Et puis ça fonctionne également au standard. Hein. Vous pouvez appeler, n'hésitez pas, avec Sandro qui attend vos appels. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous joindre d'où que vous soyez en France. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Puis on remercie Flo également, l'auditeur qui est passé nous voir ce soir là. Alors il a bien compris le concept du ne pas venir les mains vides. Hein. C'est-à-dire qu'il a amené de quoi donner à bouffer à toute la radio pendant les deux prochaines années. Donc plutôt... plutôt bien, ça va Flo. Attends, tu peux prendre ta micro là. Je sais que t'as envie d'être tout près des tout près de Polo, exactement. Et il est en kiff sur Polo. Ça va Flo? Ouais, ça va, ça va. Et toi, au taquet? Bah ouais, ça va. T'as ramené quoi là? Parce qu'il vient des États-Unis là. Il était là-bas, donc il a. Je vois des trucs bizarres, Il y a une partie qui vient pour les États-Unis, une partie qui vient de Paris. D'accord. Il y a un magasin spécialisé à Paris dans le troisième là. Ah ok, d'accord. Donc, où t'avais ramené des trucs ricains. D'accord, ok, ouais, très bien. Sinon, il y a une partie qui vient des États-Unis, ouais. D'accord. Bon, on va aller faire un tri là. Attends, tu vas partir au travail là pour. Bah ouais, on va faire les photos. On mettra ça sur le site là pour ceux qui connaissent. Tu dis Polo? Il va tout manger ce gros porc. Ouais, ouais, bah ouais. Mais c'est comme Pedro hier, hein, qui a ramené des pastèges de nattes du Portugal. J'ai tout bouffé comme un porc. Bah voilà, c'est ça, comme un porc. D'ailleurs, là, je présente les Pringles déjà. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Je vous laisse le reste. Ah, mais on sait pas ce que ça le reste. Tu dis, je vais voir ce qu'il y a et je prends les Pringles et puis je me barre. Voilà, c'est ça. Le reste, on pourrait avoir. Il y a quoi le reste? Non, alors il y a des nerds. Alors ça, je sais pas très bien ce que c'est. C'est quoi les nerds? Des bonbons. Ah, c'est des bonbons? C'est des bonbons. C'est des bonbons, mais je sais pas quoi. Bon, bah, on va goûter. Cherry and Apple Watermelon. Ça doit être. Ok, perfect. Quel accent magnifique. Ouais, t'as vu un peu? Et alors là on a des mignons. On a des mignons. Ah, fort! Des mignons. C'est dingue, ça, quand même. Ouais, c'est des mignons rolls. C'est des. Cool. Ouais. On va te bouffer, toi, tu vas voir. Ça, depuis 3 semaines, tu fais chier, là. C'est... Avec tes trucs, là, tu vas voir. Donc, c'est des mignons aux fruits, et puis ils sont roulés, tu les manges. Cool. Bon, on va ouvrir ça dans quelques instants, là. Parfait. Ah, c'est bon, et encore une grosse boîte, c'est quoi, là? Ah, ça, tu vas adorer. Des pop flats? Non. C'est quoi, ça? Pas du tout. C'est quoi? Ah, c'est des Oreos. Des Oreos pour mettre dans le lait. Ah, très bien. Ah bah c'est bon, ça sent drôle là le régime. Ah bah écoute. Faut bien goûter, tu vois, c'est un auteur qui ramène ça, tu peux pas. Je vais commencer aujourd'hui. Bah voilà, ouais. Le summum du gras est là. C'est quoi? Marshmallow fluffy. On va être bien. Je l'ouvre exprès pour toi pour te montrer comme c'est bien gras. Ah ouais, ça a l'air d'être. Ah, ouais. Ah voilà. Donc bah merci Flo hein, d'avoir amené tout le bordel là. Merci, ouais. Ça fait plaisir, c'est bien. Voilà. On va être allé. Oh. Regarde-moi ça. Oh, bah allez en bouche, vas-y. Goûte. Alors c'est bon ou pas? C'est trop bon. Bon, bah c'est très bien. Bon, mais qu'est-ce que c'est plein de sucre? Ah ouais, un minimum, tu m'étonnes. Bon, on va mettre les photos comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Et merci à Flo, en tout cas, l'auditeur qui nous a ramené plein de trucs ce soir là. Il y a El Nino aussi qui dit le caca grosignol. Il a l'air bien dégueu là. Oui, j'ai mis la photo aussi hein, sur le Facebook. Là, vous pouvez aller voir facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Cédric qui dit grâce à mon lit et Mickaël, je dors par terre depuis hier, mais je m'en fous. Le son d'Ensflore avant tout. Bah t'as raison, Cédric. Il dort par terre. Mais visiblement il dort là-bas, ça c'est sûr. Kenny qui est de retour là pour la demande en mariage. Bon Kenny, avant qu'on appelle ta meuf, il faut quand même qu'on explique deux choses. Enfin, il faut d'abord que tu m'expliques depuis combien de temps t'es avec elle encore? 9 mois. 9 mois. Ah, trop longtemps. Mais tu trouves pas que c'est un peu non, ça fait 11 mois. Ouais, enfin bon, on n'est pas en détail hein. Ah, c'est tu pas une fille, c'est important hein. Ouais, il s'est trompé 2 mois là quand même. Mais oui, c'est déjà elle va te tirer la gueule hein, s'il écoute la radio. J'espère pas. Ah ouais, mais tu vas voir. Et alors, deuxième chose, t'es sûr que c'est pas un peu tôt, quand même? Quoi? Je te demande si ce n'est pas un peu tôt. Non, moi. Non, je pense pas. T'es sûr que c'est la bonne, là? Genre, t'as le feeling, t'es certain que t'es pas en train de te tromper? Non, du tout. Bon, ok, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant? Pourquoi tu te dis, tiens, j'ai envie de l'appeler, j'ai envie de lui faire cette déclaration? Enfin, de la demande en mariage, en l'occurrence. Bah je sais pas, genre après on peut dire que la plupart des gens qui disent ouais bon l'amour quand t'es éloigné de la personne t'as besoin de l'avoir et tout, bah moi c'est pareil sauf que c'est tout le temps, tu vois, j'ai besoin de l'avoir, besoin de la sentir auprès de moi, j'ai besoin de la sentir son odeur. Oh c'est mignon. Besoin qu'elle me touche et tout, tu vois, c'est comme ça, ce que ça soit tactile ou rien qu'avec sa voix, bah ça me fait plaisir de l'avoir à mes côtés, tu vois. Quel lover. Oh mais oui, c'est magnifique. J'espère que ça va pas terminé comme le mec avec son baseball là, c'était hier ou avant-hier là, qui a demandé sa copine au mariage. T'as vu la vidéo? Parce que le mec il s'est pris un sacré vent dans la gueule quand même. À lui il s'en est pris une belle hein. Ah ouais. À lui il s'en est pris une magnifique. Bah c'est ça, rigole pas trop Kenny hein. Ouais, c'est clair. Non, bon, ça serait marrant pour nous hein. Bah oui, ah bah pour nous c'est parfait. Ouais, il y a Arthur sur Facebook qui dit vous voulez vraiment pas qu'il se marie, on dirait. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a pas envie qu'il se prenne avant quoi, c'est juste ça. C'est juste qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. Bah aussi. Vous savez quoi, on fait le pari. Si elle dit oui, je vous invite tous au mariage. OK. D'accord. OK, bah là on a tout à gagner nous hein. Mais alors t'as prévu déjà un endroit pour le mariage? Parce que comme Toff est presque DJ, si il peut venir mixer pour la soirée, je te fais l'animation comme jamais, mec. J'ai tellement de mariages dans ma vie. Y a pas de soucis. Il est presque DJ, mais c'est vraiment un vrai bouffon, ça on le sait. Ouais. Il vient avec son Serato. Il sait toujours pas ce que c'est, mais il viendra avec. J'amènerai le Serato. Tu ne sais pas ce que c'est. Comment tu peux emmener un truc de tu ne sais pas. Je sais pas. J'irai dans un magasin de location. Je dirais je veux un Serato, le mec. Non, mais t'as qu'à aller dans un magasin de Serato. Ça existe ça? du serato.com, tu tapes. C'est quoi, on va t'envoyer chez Miko. Attends, je vais demander à Google. Il va débarquer avec des castagnettes. Ouais. ça va être beau, ouais. Des baracas de castagnettes, tu vas me foutre le bordel dans le mariage. Bah ouais, non, mais t'inquiète pas, ça va être rock'n'roll, hein. Moi je ferai le bar. C'est bizarre parce que c'est. Y a pas de soucis. C'est écrit Serato ou Tractor. À mon avis, ça doit pas être ça. Ah, ça doit pas être ça, effectivement. Bon, bah Kenny, reste avec nous. On va demander, faire la demande dans un instant, d'accord? Vas-y. Donc bouge pas. Il y a Anaïs qui est là également maintenant. Tiens, salut Anaïs. Bonjour. Comment va? Bah bien, c'est ça. Tant mieux, ouais, très bien. Anaïs, t'appelles de Saint-Pierre-sur-Ville dans le 14, c'est en Basse-Normandie. Oui. Très bien, on embrasse tout le monde là-bas. Et Anaïs, toi, tu as envie de partir à Ibiza, toi? Oui. Ah bah j'imagine. Bon, alors. Elle se mesure 17 ans. Bon, alors, Anaïs, il va falloir évidemment poser une colle ce soir. Si tu as la bonne réponse, si les auditeurs trouvent la bonne réponse, c'est gagné. Et pour toi, c'est perdu. Si jamais c'est l'inverse et que personne ne trouve, c'est toi qui gagne. D'accord? D'accord. Bon, quelle est la colle là pour partir direction Ibiza? Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je? Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je? Bon, ben c'est la colle du soir là. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous jouez maintenant. On va jouer par Twitter ce soir là. Vous allez sur twitter.com, vous mettez Mickaël officiel là, vous nous followez, voilà. Et puis vous mettez le hashtag Mickaël, bien sûr, pour répondre. On va se faire ça uniquement sur Twitter et sur Facebook, les deux. Pas de SMS ce soir, donc Twitter et Facebook. Je vous mets la colle là sur le Twitter et sur le Facebook, et à vous de répondre. Donc répète la question, Anaïs. Répète la colle. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, vous partirez peut-être tout frais payé direction Ibiza pour un trip de psychopathe. Hein. Vous allez pouvoir assister à la Fuck Me I'm Famous, et en plus de ça, je vous mets un appareil photo numérique. Vous allez pouvoir partir là-bas gratos, Anaïs. Bon, eh ben écoute, Anaïs, on va pas te déranger plus longtemps. On te rappelle d'ici 10 minutes là pour relancer l'énigme. Voilà, c'est ça. Et puis si jamais quelqu'un a la réponse à la colle du soir, ce sera perdu pour toi, gagné pour lui, et inversement. À tout à l'heure, Anaïs. D'accord, aucun problème. À tout à l'heure, Mickaël. Tout de suite, Anaïs. Bon, ben voilà, il reste plus que à vous de jouer maintenant. Donc, alors, j'ai oublié la question. La colle, je suis toujours... Toujours mouillé, mais toujours à l'abri. Non, je suis toujours à l'abri, mais pourtant, je suis toujours mouillé, humide. Ah oui, voilà. C'est ça. Donc, si vous avez la bonne réponse, hein, vous allez jouer dans quelques instants sur facebook.com/Mickaël officiel et sur Twitter aussi, hein, vous tapez Mickaël officiel et avec la réponse, le hashtag est Mickaël. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon, on va prendre... où est-ce qu'il est? C'est Alexis qui est avec nous, là. Alexis, d'Annecy, bonsoir, Alexis. Bonsoir, Alexis. Alors, ouais, il a coupé sa radio, Alexis. Ouais. Voilà, nickel. Ouais, ça va tranquille, Alexis. C'est dingue parce que pourtant, il me semble que Sandro vous dit à chaque fois avant de passer l'antenne, coupez votre radio avant de passer l'antenne parce que sinon, ça fait du Larsen. Ouais, il est encore sa radio allumée. Alex, t'es sérieux là? Bah oui, enlève-la sinon ça. On vous demande pas d'enlever la radio pour le plaisir de vous emmerder, hein. C'est juste que sinon, après, ça fait de l'écho, Alex. Bon, ça y est, Alex. Parfait, impeccable. Bon, et je rappelle que Pedro, notre directeur antenne, qui est de nouveau au standard, hein, il est là, il est content. Bonsoir, ça va. Mais t'as pas de meuf en fait? Non, il a pas d'amis en fait, c'est surtout ça. Ah, c'est pour ça qu'il est entre les deux au standard. C'est, d'accord, ok, mais non, c'est bon, j'ai compris. Bon, donc si vous appelez 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0, vous tomberez sur Pedro pour les plus anciens auditeurs de Fun, anciens standardistes de Max Star System à l'époque, voilà. Bon, Alexis, alors, on va parler des lieux insolites où t'as déjà fait l'amour, puisqu'on est tombé sur une info, c'est deux Belges qui ont fait l'amour dans un magasin de literie en fait, hein. Ils voulaient choisir un nouveau lieu, puis ils ont dit bon, on va le tester. C'est le meilleur endroit, voilà, en plus. Exactement, on va le tester et on va voir comment ça se passe. Et du coup, je vous avais demandé où est-ce que vous aviez déjà fait l'amour, dans quel lieu les plus insolites vous avez déjà eu l'occasion de tester. Alors chez toi, Alexis, c'est quoi? Bah moi, j'ai déjà niqué dans un tracteur. Ah, dans un tracteur. Au milieu des vaches. Oh, ah, il labourait le champ et la meuf. Ah ouais. Non mais le tracteur, ouais, c'est voilà, ça le mérite d'être original, le tracteur, pour le coup, hein. Oh, Mickaël. Ouais, mais c'est trop bien, hein. C'était bien. Bah, j'irais pas dire que c'est trop bien, mais ouais, ça peut être sympa, peut-être, ouais. Ouais, bah après, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Oui, bah déjà, ça, l'avantage, c'est que ça bouge. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais oui, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de place, effectivement. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi dans un tracteur? Parce que t'en as un, ou c'est le tracteur de ton père, ou je sais quoi? Ouais, c'est celui de mon père. Ah, et du coup, t'as essayé d'entrer. Mais alors, c'est quoi comme tracteur? Parce que moi, je vois encore les, tu sais, les vieux tracteurs qui est au Portugal, tu vois, parce que forcément, j'en vois que là-bas. Mais tu sais, genre, les vieux où il y a, enfin, c'est une espèce de machine inconfortable totalement. Mais non, je crois que les nouveaux tracteurs, c'est la classe, non? T'as la clim et tout le bordel, là, non? Ils sont, c'est un truc. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, voilà, c'est ça, c'est un tracteur haut de gamme. Ouais, mais non, il y a la clim et tout à l'intérieur. Bah ouais, ce que je disais, ouais, maintenant, t'as la clim et tout. D'accord, ok. Et c'est quoi les inconvénients alors? Bah, les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de place. Ouais. Et puis, il y a plein de manettes, donc, c'est un peu chaud. Mais tu peux justement, chez certains, ça peut être un avantage, hein. Ouais, certains, chez certains, ça pourrait être un avantage. Mais bon, soit. Et quoi d'autre? Sandro qui a capté, ouais, bah, deux heures après, elle a capté ce que je voulais dire. Plus vaut tard que jamais, c'est le front est tombé chez, chez Sandro. Et donc, c'est juste parce que c'est trop petit, parce qu'il y a les manettes, c'est ça en fait qui te saoule le plus? Ah ouais, mais c'était trop cool sinon. Bon, très bien. Et quoi d'autre? T'as fait d'autres endroits ou pas que le tracteur originaux, hein? Pas forcément confortable ou pas confortable, mais juste des endroits un peu originaux? Non, pas le tracteur, non. Ah bah le lit. Ah ouais, super original, ça, c'est très bien, mieux, le lit. Mieux, le lit. Bah oui, le bah t'es confort, tranquille. Tu peux te laver, ouais. Alors que sur le tracteur, tu dois être sale. Ah, ah bah oui, bah c'est un tracteur, c'est pas fait pour. Hein. Ah. Et ta copine, tu l'as emmenée là comment? Genre, elle était d'accord ou tu, genre, surprise? Bah en fait, je passais juste devant chez elle, ouais, avant d'aller au champ. Ouais. Et en fait, bah, j'ai envoyé un message pour dire que si je voulais, elle pouvait venir. Ouais. Et elle est venue, et puis en fait, bah après, elle était super chaude. Enfin, on s'est parti sur un petit délire comme ça. D'accord. Et après, bah, elle était go. Du coup, bon, bah, nickel. Ouais, bah, très bien, parfait. Ouais. Bah, écoute, bah, merci Alexis, hein, pour l'info, là. Et puis, puis tu reviens quand tu veux, Alex. Bah ouais, go. Bon, bah, go, alors. Go, hein. Salut Alexis, à bientôt. Merci à toi, en tout cas, d'être passé. Et restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Avec dans un instant DJ No Name. C'est à l'autre maintenant, c'est après Michael Moore sur Fun. Le son de Michael Moore à l'instant sur Fun Radio, c'était Can't Hold Us, et puis restez bien là, hein. Tout à l'heure on va encore vous caler le son de Robin Thicke, et puis Michael Moore qui avait été demandé hier par Benjamin, là, tu vois, t'as vu Benjamin, j'ai pas oublié, il avait demandé en fin d'émission le son de Michael Moore, j'avais dit promis on te le passe ce soir, il y a pas de souci, voilà c'est fait. Plein de messages aussi qui sont arrivés par rapport au mariage, on va le faire dans un instant, et je vous avais promis aussi de vous repasser les appels hier quand on avait appelé un restaurant à Marseille, un restaurant à Lille, c'était Marseille et Lille, ouais c'est ouais, ça. Marseille et Lille, ouais. Marseille et Lille, parce qu'en fait on était tombé sur une info comme quoi, il y avait un mec, c'était au Japon, je crois, qui avait tué sa femme. Et en fait, comme il était restaurateur, il l'avait découpé en morceaux, il l'avait foutu dans les NM. Et il a essayé de l'écouler comme ça. Sauf qu'il y a un client qui s'est rendu compte d'un goût bizarre dans la viande. Ils ont enquêté, bref. Et ils l'ont grillé au final. Et donc, du coup, Toff a voulu appeler aussi les restaurants à Marseille et à Lille pour voir si c'était possible éventuellement de refourguer sa femme. Bah. Et écoutez bien, c'était hier soir. Là, on vous le rediffuse parce qu'on vous l'avait mis assez tard. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous jusqu'à 23h, écoutez ça. Allez. Par contre, on était bien dans un restaurant pinois. Hein. Non, mais on peut pas monter. Un d'autre côté là, t'es dur. Hein. Allez, Lille. Ah, voilà. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis bien au restaurant chinois? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai eu un petit différend avec ma femme. Et elle est morte. Et vous voulez comment? Eh ben, en fait, je voulais savoir si je pouvais vous confier le corps pour vous la mettiez dans des NEM. Comme ça, du coup, on ne saura pas ce qui s'est passé. Ah, vous voulez emporter? Non, je vous la livre et puis vous en faites ce que vous voulez. Vous la fourrez dans les NEM ou dans autre chose. Vous voulez comment? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je fais ça parce que je n'ai eu qu'une fois jusqu'à présent. Eh bien, t'es bien. Voilà, on peut s'arranger comme emporter. Ça? Vous voulez comment? Pas, bah, moi comme vous voulez. Vous savez, c'est moi je suis pas restaurateur, hein. Moi je vous la donne en entier et puis vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ah je sais pas, c'est vous qui commandez. Si parce que si je vous envoyez, après vous aimez pas, après. Ah non mais moi je la mange pas, hein. Ouais. Moi je vous donne juste le corps de ma femme, vous en faites des petits morceaux, enfin vous faites comme vous voulez pour la mettre dans les NEM, ça c'est vous qui voyez quoi. Ah juste un NEM. Non, c'est pas ça. Ah, vous on faites... il faut partir un minimum. Ah oui, ouais. mais un minimum, c'est-à-dire, il vous faut plusieurs cadavres? Pardon? Il vous faut plusieurs cadavres? Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est pour plusieurs. C'est un gros système. Ah oui, juste un cadavre, vous prenez pas, oui. Ouais. Ouais, faut de la grande série chez vous. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Bah c'est embêtant parce que moi j'avais qu'un corps, quoi. Ouais, bon bah tant pis alors, hein, écoutez. Je vous rappelle si j'en trouve un deuxième. Ah ok, ouais, allez. Merci, au revoir monsieur. Cette conversation qui était improbable hier, quand même, faut quand même le savoir, ça. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il propose de se débarrasser du corps de sa femme, la meuf dit, ouais, pas de problème, hein, mais, bah, venez, puis après, on avait appelé à Marseille. Allez. Puis on est dans Top Chef, là, on est au taquet. On aime bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, vous faites bien des nems. Oui. Oui, parce qu'en fait, voilà, je vous explique, je viens de tuer ma femme. Et donc je me demandais si peut-être j'aurais pu vous la confier pour la mettre dans des NEM. Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai, je peux venir chez vous alors. Il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez. C'est vrai, bah écoutez, j'arrive tout de suite, alors je vous la porte. Je passe par l'arrière boutique. Non, on n'a qu'une porte, vous pouvez passer par la grande porte. Oui, mais est-ce que c'est un peu encombrant, c'est pas grave. Non, t'as pas de dégoût, votre femme. Non, mais enfin bon, quand même quoi. Voilà, il n'y a pas de souci, monsieur. Parce que là, je vous attends. D'accord, bah, j'arrive à tout de suite, merci beaucoup, madame. Il y en a qui ont rien à faire. Oui, il y en a qui ont effectivement. Et ça, c'est comme elle a pu le remarquer, effectivement. Non, mais c'était improbable. Franchement, c'était une conversation improbable. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ben, comme ça, au moins, vous savez qu'il se passe des trucs jusqu'à 23h et que vous avez raté une partie si vous êtes barré avant. Tiens, il y a Thibaut qui dit c'est peut-être inconfortable, mais je veux un tracteur maintenant. Bah ouais, écoute, essaye de demander à prêter. Si tu veux, on peut voir avec avec l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure, là, si éventuellement, il y a peut-être moyen de gérer ça. Hein. Ouais, une location. Bah voilà. Exactement. Faire, voilà. Bon, Kenny qui est avec nous toujours là, qui voulait faire une salle de mariage. T'es encore là, Kenny? T'es rêvé bien? T'as déjà fait où, ouais, toi, dans quels endroits un peu insolites? Ah bah bon, après, je l'ai fait, bah, j'étais un peu plus jeune, je l'avais fait dans un champ. Ouais, ok, ça a un rapport avec le tracteur, c'est vrai? Ouais, un peu à part, sauf que moi, je l'ai fait dans l'herbe. Ouais. Et petit souci, c'est qu'en fait, je me suis fait picorer le cul par des oies, en fait. Sympa. Par des oies. Ouais, donc par en fait, on a vite arrêté, quoi, donc... Bah sans déconner, bah oui évidemment, il y a un message d'Anaïs qui dit mais 11 mois quoi, 11 mois, bah ouais, c'est ça. Quoi? Oui, 11 mois, c'est ouais effectivement. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais allô, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Du quoi tu dis? Je dis non mais allô quoi, c'est du nabila. Non quoi, mais allô quoi, effectivement, ouais, effectivement. Voilà. Bon, alors attends, il y a aussi Audrey qui est avec nous. Ah bah que je juste au moment où je l'ai mise, elle a raccroché. Donc bon, on va essayer de la rappeler dans quelques instants, qui voulait réagir par rapport à toi au niveau de la demande en mariage. Il y a un message aussi qui est arrivé. Où est-ce qu'il est? C'est Amélie qui dit j'ai trop peur qu'il se prenne un de ces gros vents. Aïe aïe aïe, courage à lui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a adoptemoi.com qui dit perso même pour 100 000 euros, je me mets pas. Ah oui, c'était le caca, le caca de rossignol qu'on va essayer tout à l'heure là. Bon attends, si, moi pour 100 000 euros je le fais, même pour moins que ça, alors là je peux te dire directement. Et Wendy qui dit Sandro, j'aimerais pas être à ta place, puisque ouais bah c'est sur Sandro qu'on va essayer, c'est normal, c'est la fille, on est refi. C'est bah ça, oui, normal. Quelle galanterie, voilà, merci beaucoup. Mais je t'en les gars prie. On bon, est comme ça nous. Retour avec Audrey, t'es là Audrey? Oui, je suis là, oui, c'est nickel. Parfait, ouais. Bienvenue Audrey. Alors, bien, toi tu voulais réagir par rapport à Kenny? Oui. Alors on t'écoute. Alors en fait c'était juste pour le prévenir un petit peu sur la mise en garde de ses invités. Il va passer par là, forcément. Ouais. Il va commencer à s'arracher les cheveux en passant par là. Mais il nous a invités, donc déjà, il a bon goût. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai invité, j'ai dit, je les invite que si elle accepte. C'est différent. Ouais, mais c'est dit, hein. Mais ouais, mais c'est ça, nous on vient. Hein. Une fête de folie, mec. Ah bah nous, on va venir, on t'inquiète va pas. On va mettre une ambiance. Ah bah, là, je te le dis direct. Hein. Ah bah oui. Bon, et donc, du coup, juste lui parler, juste lui dire, fais attention aux invités, c'est tout. Ouais, c'est ça, de bien réfléchir, parce qu'en fait, dans des invités, des fois, tu peux avoir des grosses surprises, notamment, ils ont fait récemment, je me suis retrouvée à faire l'animation de ce mariage alors que c'était carrément pas prévu. Ouais. Le truc c'est que j'étais complètement bourrée, il n'y a pas d'autre mot. Bah c'était sympa, tu vois. Oui, ouais, tu dis méfie-toi, mais finalement c'est plutôt bon esprit. Ouais, sauf quand tu passes en fait, c'est-à-dire que si tu veux, j'étais dans une position où j'étais tellement bourrée que j'ai commencé à faire l'animation. La relou du mariage, c'était toi, quoi. C'était ça. Ouais, et en fait, tu vois, t'es une fille, donc tu es en mariage, t'es en mode pompée d'œuf, sur la robe, t'es nickel, quoi. Tu vois, t'es belle gosse, tu sors, tu t'amuses, tout, t'es nickel, t'es profond. Sauf que moi, la soirée s'est terminée pour moi. Il était minuit, tu vois, Cendrillon, bah une demi-heure de rab. Minuit, ouais, pour la soirée du mariage, ah ouais, c'est sympa, ça, ouais. Audrey. Bon, bah, Audrey, Audrey, attends, reste là deux secondes, dans quelques instants, on va s'écouter le son de Robin Thicke, et puis tu vas rester avec nous, Audrey, on va faire l'appel avec la copine de Kenny, et avec Kenny aussi. Maintenant, bougez pas de là, Robin Thicke, comme promis, avec To Give It To You, ça va arriver dans un instant sur Fun, et puis on va aussi refaire un tour du côté des réponses, là, pour savoir qui va partir direction Ibiza, tout frais payé, pour aller à la Fuck Me I'm Famous. Vous pouvez répondre à la call de ce soir, qui est aussi inscrite d'ailleurs, évidemment, sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission, vous tapez M-I-K-L officiel. Allez, restez là, on revient après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Eh ouais, bienvenue tout le monde, si vous venez de débarquer, hein, on est là en direct dans toute la France, 01 42 48 5000, si vous voulez joindre Sandro ce soir. N'hésitez pas. Alors je viens de goûter les mignons là, les mignons, enfin les bonbons mignons là que Flo là qui revient des États-Unis nous a rapporté. C'est des bonbons mais qui ont le... Alors, on dirait un truc en pétrole. C'est dégueulasse. Enfin non, c'est bon mais ça a l'air dégueulasse. Mais c'est comme les ouais, c'est comme les bons l'été, les espèces de lacets, c'est la même. Ouais, c'est même c'est truc, ça. Quoi. Mais ça a l'air bizarre quand même. Donc je vais vous mettre la photo là sur le Facebook. Vous allez pouvoir voir ça. facebook.com/mikl officiel. Retour dans un instant avec Audrey qui voulait donner ses conseils à Kenny avant sa demande en mariage. On aura aussi Marie dans un instant. On aura la colle de ce soir pour peut-être partir à direction Ibiza, tout frais payé. Ce sera à gagner d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et en attendant, évidemment, vous pouvez aller jouer hein, bien sûr hein, sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel, et pareil aussi sur Twitter hein, vous tapez mikl officiel pour venir nous suivre. Vous serez les bienvenus. Robin Tick maintenant, c'est To Give It To You sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, on est jusqu'à 23h. Hey, hey, girl, give it to me. Girl, you know what it do. Girl, give it to me. Un truc à dire. Mikl, appelez Mikl. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, numéro à composer si vous voulez joindre l'émission. Il y a Sandro d'ailleurs qui décroche évidemment et qui est au standard. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis ça marche aussi sur le Facebook. Alors pendant la pub là, j'ai mis pas mal de ce truc hein, sur le Facebook, notamment les bonbons mignons là, c'est Flo là, l'auditeur là qui nous avait ramené ça, des bonbons. Alors c'est une espèce de truc tout gluant comme ça, on dirait un truc en pétrole, ouais, et c'est bizarre quand même, hein, c'est assez chelou hein. Donc du coup, on vient de tester et la photo est sur le Facebook. Il y a aussi le cacarossignol là qui est sur le Facebook, là facebook.com/mikl officiel, et également sur Instagram hein, si vous voulez nous suivre hein, vous tapez mikl officiel aussi et vous venez nous rejoindre sur Instagram. Il y a aussi plein de photos à aller mater, n'hésitez pas. Wendy aussi qui dit, si la nana dit non là, je m'assois et je rigole. Ah oui, ça c'est pour la demande en mariage dans un instant avec Kenny. Et on va d'abord aussi récupérer Anaïs. Anaïs, oui, je suis là. Bon, Anaïs qui nous avait appelé par rapport à Ibiza, justement, c'est toi qui poses la colle de ce soir. Alors Anaïs, quelle est la colle, oui, de ce soir pour envoyer les auditeurs peut-être à Ibiza, ou peut-être toi à Ibiza, va savoir. On t'écoute Anaïs. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillée. Voilà, je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je? Si vous avez la réponse à la colle de ce soir, c'est facile. Pour répondre et pour tenter de partir à Ibiza, les billets d'avion, l'hôtel est compris. Et en plus de ça, vous avez aussi les tickets pour aller à la Fuck Me I'm Famous. Et en plus de ça, je vous offre aussi votre appareil photo numérique. Ça fait rêver Anaïs, non? Ah bah oui. Ah, ce serait quand même pas mal du tout ça. Hein. Eh ben si vous voulez gagner, vous répondez à la question. Donc je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. C'est ça? Oui. En gros, hein, je crois que j'ai fait une petite. Non, c'était bien. Non, c'était bien. C'était ça. Ah bah très bien. Bah vous répondez sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel, ou alors sur le Twitter. Hein, là aussi, vous venez nous rejoindre en tapant mikl officiel. Bon ben Anaïs, à tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure. Ça marche. Ah oui, attends, excuse-moi, c'est vrai que j'ai eu des réponses. Je suis con. Y a Yves aussi qui propose un escargot. Non, c'est pas ça. Ah bah y a Francky qui proposait le poisson. Non plus. Non, Grégory qui proposait une chatte, sympa. Ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Marine qui proposait de l'eau. Non. Sacha avec le vagin. Non. Mais pense qu'à ça. Bah ouais, attends, il y a Tracy aussi qui proposait un arbre. Non. Non, Steven qui proposait la culotte. Non. Non, bon bah très bien. Bah continuez alors, hein, facebook.com/mikl officiel pour donner votre bonne réponse et tenter de partir à Ibiza. À tout à l'heure Anaïs. À tout à l'heure Anaïs, très bien. Bon, retour avec Kenny là, et on va appeler ta copine dans un instant. Audrey, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Bon, avant de te reprendre, ce serait bien donc que effectivement Toff et Polo essayent d'appeler ta future femme Kenny pour voir un peu si elle est plutôt dans un mode ouverte ou plutôt dans un mode fermé. Parce qu'on s'est rendu compte la semaine dernière qu'en fait, quand tu faisais que les femmes étaient automatiquement programmées pour tomber sous le charme des hommes drôles. Et on est très drôles. Voilà. Donc on va essayer de l'appeler maintenant pour voir quoi. D'accord? Vas-y. Bon, on va l'appeler. Alors, bougez pas, hein, Kenny et Audrey, bougez pas surtout. Okay. On y va, on l'appelle. Ouais. Comment elle s'appelle, Kenny, ta copine? Elle s'appelle Laura. Laura. Très bien. Ouais. Bon, allez hop, on y va, c'est parti. C'est bon les blagues, vous êtes au taquet? T'inquiète, je suis prêt là. J'ai pas de blagues moi, mais on va y aller. Ouais, je suis prêt. On y va. Deux tomates qui traversent la rue. N'est pas attribué. Ah, c'est pratique ça. Ah bah bravo, tiens, c'est pas mal ça. Ah, le standard, rien n'est pas attribué. Au lieu de faire les guignols. Bravo Pedro, c'est toi qui as géré ça. Allô Laura. Au lieu de bouffer les Pringles là, hein. Oui, je mange les Pringles. Ah bah bravo. Bah ouais, bon bah du coup, c'est pas grave. Eh, en attendant Audrey, c'est quoi les conseils que t'as filé du coup toi à Kenny alors? En fait, l'idéal ça serait qu'il est, tu vois, dans les soirées, t'as toujours un capitaine, un Sam. Ouais. En fait, pour le mariage, il faudrait qu'il gère quelqu'un sur les tables parce que ça peut vite dégénérer, on sait jamais. Ouais, mais ça va, c'est un mariage, c'est pas non plus Ouais, c'est un mariage, mais attends, quand même quoi. Pourquoi toi il t'est arrivé un truc? Ah mais moi j'ai eu la honte de ma vie à ce mariage quoi. J'ai eu la honte de ma vie, j'étais complètement... Non, ce que je vous ai pas dit en fait... D'accord, il y a un truc que t'as pas dit. Non. Vas-y. Bah en fait, elle la mariée, je suis ça. Non, j'étais un peu pompée d'up au mien, mais quand même quoi. J'ai su me tenir. J'étais pompée d'up. Non, en fait, j'étais bien, comme j'expliquais, nickel, propre sur moi. Et en plus, de mon métier étant coiffeuse, j'avais coiffé la mariée, donc t'as déjà un peu les regards sur toi, tu sais, genre, ah, c'est elle, machin, ah, moi, c'est je connaissais personne. Fait. Ou c'est moche, ouais. Putain, c'est donc, elle. Ouais, ça craint, putain, et en plus, ils ont osé l'inviter, non mais la loose, quoi. Et en fait, donc moi, je connaissais pas grand monde à ce mariage-là, vu que c'était une collègue, tu vois. Et en fait, comme je disais, minuit et demi, soirée terminée pour moi, je me suis retrouvée à vomir tout ce que je savais, tout ce que je pouvais devant la voiture des parents du marié. Bravo! Au moment de la pause cigarette de la famille. Wow. Ouais, bah, génial! Là, t'es au top avec ça. Là. Elle aurait pu, moi, je l'ai mis sur le capot de la bagnole, ça aurait été mieux. Hein. Bah, ouais, franchement, ouais, t'aurais pu. Non, je suis une fille quand j'ai une robe. Fallait que je garde quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, toi t'as fait la grande classe, je comprends t'as été un peu terrorisé des mariages. Voilà, c'est ça, tu vois, la classe, mais bon quand même. Quoi. Ouais, d'accord, ok. Bon, attends, Audrey. Vas-y, un truc à ajouter? Non, bah en fait, le truc, ce que je voulais dire, c'est que généralement, tu vois, toi tu connais personne, mais bizarrement, le lendemain au retour, tout le monde te connaît. Sans déconner. Ouais, voilà. Ah, dis donc, regarde, c'est elle qui a gerbé là. C'est pour la voiture des mariés, putain, elle est revenue quoi. Oh la classe, tu sais, le mec, ils sont emmerdés à la nettoyer, qu'elle brille et tout, toi t'étais gerbé dessus, pas mal. Voilà, c'est ça. Non, c'est bien, classe, Audrey, très très classe. Nickel. Très très classe. Bon, Audrey, reste encore avec nous, on va essayer. Bah, c'est bon le numéro là, ouais, c'est bon, ça sonne, ouais. Ah bon. Bon, on rappelle la future femme alors, en tout cas, j'espère. Ouais, j'ai envie d'entendre moi. Bah nous aussi hein. Attends, on va d'abord c'est Toff qui va d'abord appeler en mode blague pour voir ce qui arrive comme la semaine dernière avec Polo là à draguer ou pas. J'ai des documents. Ah parfait. Bon, on y va, c'est parti. Allez hop. Bougez pas. Je pense qu'on est bien en termes de musique là. Ça lui va bien. Ouais. Ah ben non, ça sonne, parfait. Allez Laura. Ah ouais. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, c'est deux tomates qui traversent la rue. Une des deux se fait écraser, l'autre lui dit: alors, tu viens ketchup? Lolo? Lolo? Oui. S'il te plaît, t'aurais pas 2 € pour que je te paie un café? Non, du tout, non. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ? C'est qui là? Un troupeau de vitres! Oh putain, ce mix des deux là. Lolo? C'est une horreur. Laura? Oui. Tu me prêtes ton copain? Non, pas du tout. Je te le ramène avec le plein. Et c'est qui, là? Eh, si j'étais un sandwich McDo... Si t'étais un sandwich à McDo, tu serais le magnifique. Et tu connais l'histoire du lit vertical? Non, parce c'est une histoire à dormir debout, hein. Allô, Laura? Je t'applaudis des deux couilles. Laura? Trop comique. Laura? Merci, Laura. Merci, Laura. Au revoir, bonne soirée. Voilà. Bon, bah, elle a l'air plutôt ouverte, hein, non, là, franchement, Kenny, là. Quand Kenny va vouloir appeler pour faire sa demande en mariage, elle va passer derrière quoi. La meuf. C'est clair. Est-ce que je peux la quitter en direct? Non? Tu veux tenter la rupture? Mais la rupture, c'est le mercredi, après, on va tout mélanger, là. Non, c'est le mardi. Bon, d'accord. Je la fais pas? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, parce qu'en plus, elle est maquée, après, on n'arrivera plus à la voir et tout. Parce que j'ai des documents, là. Ouais, je sais. Bon, Kenny. Ouais. On va y aller, là, t'es prêt, là? C'est à toi de jouer, mec, hein. Ouais, vas-y. T'as pas l'air plus motivé que ça, si? Si, je suis chaud, allez, vas-y, on est patates, là. Il va se calmer, il me met en stress, là. Est-ce que tu veux que je te mette une musique? Est-ce que tu veux que je te mette une musique? N'importe, je m'en fous. Bah, c'est comme tu veux, j'ai ça en stock. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Attends, voilà. Ça, tu pars à 50% vainqueur. Ah ouais? Ouais, ça c'est pas mal. Non, bah c'est quoi, là, elle me dit non tout de suite là. Non, on dirait. Ah non, bah écoute, alors si tu veux, j'ai. J'ai toujours mes. Bon, ça voilà. Le péplum. Bah oui, mais non, voilà. Voilà, ça c'est bon là. Avec ça, on est au top. On y va, oh, Kenny? Oh, ouais, vas-y, on est parti. On appelle. Audrey, encore un dernier conseil avant le drame? Non, feu, là, je suis à fond, là, je suis allez, c'est parti. Suspense, go. Allez, vas-y, Kenny, tu vas y arriver, là, on y croit. Kenny, c'est bon, Kenny, on y croit. On lui fait pas la vanne de Al West? Non. Non, attends. C'est dommage. À conseiller éventuellement les mignons là. D'accord, très bien. Mais merci à toi. Vous avez pas remarqué ce petit moment de solitude de Si. Où il se fait sa propre vanne, il fait. Oui, mais non, bon. En fait, dans sa tête, il était sur l'autre radio, sa radio à lui tout seul, tu vois. Dans sa tête. C'était Radio Top tout seul. Voilà, Radio Top tout seul. Bon, on y va. On y va. Attention, Laura, c'est pas. Kenny, on y va, c'est parti, je compose. Vas-y. Et je te souhaite bonne chance. J'espère qu'on n'a pas tout foutu par terre et qu'elle va décrocher. J'espère aussi. Bon, sinon, c'est pas grave, on trouvera une autre meuf, t'inquiète. Là, elle va l'insulter, ouais. Peut-être. Foutez pas la merde, les gars. On est pas... Allô. Allô, bébé. Oui. Ouais, c'est moi. Oui. Divoire, je voulais te demander, si ça fait un petit moment déjà, c'est qu'on parlait du mariage et tout, tous les deux et tout, toi. Oui, c'est vrai. Oui. Et vu qu'on avait la petite qui arrivait et tout, tu m'en parlais plus souvent et tout, tu vois. Oui. Et j'ai demandé une faveur à une personne pour que, en fait, je te le dise plus différemment, beaucoup plus original, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, j'aimerais te demander en mariage, en fait, j'aimerais demander si tu veux bien m'épouser, en fait. Oula, bah bien sûr que oui. Ça va? Bah bien sûr. Je suis content, alors. Est-ce que... C'est mignon, chérie d'Almur. Bah, il va dire, je suis en direct à la radio. Moi je suis content alors. Franchement je suis super heureux. Moi aussi je suis contente. Je suis content tout. Ça fait plaisir mon amour. Ben, ça va alors. Je suis content alors que t'as accepté et tout tu vois. Ben, bien sûr hein. Bien sûr quand même. Ben, ça me fait plaisir alors. Conversation sans fin. C'est normal moi aussi ça me fait plaisir. Bon bah ben, voilà. Ben, je te remercie alors mon amour. Il va raccrocher. Mais non, ils sont pas sérieux. De toute façon, là, je devrais pas tarder, je devrais pas tarder à arriver et tout. Mais il est pas sérieux, il dit d'accord. Pas qu'il est à la radio. Bah, allez, je te fais un gros bisou, mais je t'aime. Sérieux? Et à tout à l'heure. Moi aussi, j'étais à mon cœur. Attends, ah, dis donc, et nous aussi, hein, Ouais, nous aussi, hein. Tu te rends compte de la chance que t'as? Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bah, alors. Tu te rends compte de la chance que t'as? Bah, alors, c'est deux tomates qui traversent. Bon, Laura. Oui. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Oui. T'es sûr hein, que tu veux avec Kenny là, parce que ça a pas l'air d'être un mec bien quoi. Ça a pas l'air d'être un mec non, checklist. Bah, c'est un amour. J'applaudis des deux couilles là, c'est. Bon Laura, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio et évidemment c'était une blague. Voilà. En fait, il veut pas du tout te demander en mariage. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Complètement. Voilà, c'était non, une blague. Non, par la demande, c'est pas une blague, hein, quand même. La demande en mariage, c'est pas une blague. Bon, bah, j'espère bien, ouais. Bon, bah, voilà, bah, Laura et Kenny. Kenny, tu nous envoies la carte postale parce que nous, on vient au mariage, hein, comme promis, hein. Vas-y, y a pas de souci, y a pas de souci. Non, mais fais pas le malin parce qu'on va venir vraiment, nous, hein. Ah, bah, vas-y, y a pas de souci, moi, je vous invite, hein. D'accord, très bien. Laura, pas de problème, est-ce qu'on vienne, hein. Allô. Ah, oui. Elle est moins d'accord, là, hein. Laura. Je sais pas qui on est, en fait. Laura, mais si, j'ai dit qu'on était sur Fun Radio. Lolo. Laura. Oui. T'as pas de soucis qu'on vienne au mariage? Y a Toff qui non, est le presque. Y a le presque DJ qui viendra mettre l'ambiance. Ouais, t'inquiète. Tu vois, je vais te mettre l'ambiance comme jamais. Voilà, c'est ça. Et les demoiselles d'honneur sont belles, j'espère. Ah oui, vous avez déjà prévu les demoiselles d'honneur? Ouais, non, pas encore. Ah bah lui, bon, oui, alors. Apparemment, hein. Bon, oui. Moi, j'ai trouvé déjà. Ok, parfait. Y a Marvin qui dit aussi félicitations à lui, bon mariage. Et voilà. Il y a quoi aussi, Clara qui dit, allez Kelly, il y a une chance sur deux que tu rappelles dans 2 ans pour le divorce. Ah ouais, non. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, ça peut arriver, hein. Adoptemoi.com qui dit, allez Kenny, vas-y, bon courage, c'est Brian. Bah là, c'est fait, du coup. Oh, la mauvaise langue, Enzo qui dit, le mec va se prendre un râteau mort de rire. Eh ben non, il s'est pas pris un râteau. Eh ben voilà. C'est beau. Et il y a Clara qui dit, bon ben Mickaël est off. Et Polo aussi d'ailleurs, vous pouvez préparer le costard pour le mariage. Ah, t'inquiète, ouais. Il est prêt, le costard. Y a pas de souci, ouais. Y a pas de souci. Bon ben en tout cas, merci à vous d'être passé. Et puis soyez heureux, et etc. Oui. etc. Ah, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je peux faire une petite dédicace? Oui, mais une seule personne, hein, c'est la règle. Choisis la bonne. Une seule personne ne sera tolérée qu'une seule personne. Choisis la bonne. Bah, je fais une dédicace à ma famille Rital, Lévi. Non, une seule personne, j'ai dit Laura là. Laura. Ah mais la famille c'est une seule personne. Oui, mais à ce moment-là il faut juste dire la famille et pas citer la terre entière. Ah bah, la famille alors. Ah bah la famille, voilà. Eh bah la famille. Donc tous les amis vous êtes des cons, hein, que ce soit clair, hein, puisqu'elle embrasse que la famille. Donc non mais c'est bien parce que moi à la place si j'étais ami de Laura, tu vois, je l'aurais pas mal pris, tu vois, ça qui est bien. Non mais voilà, après moi tu fais comme tu veux, Laura. Bon Laura et Kelly, bonne soirée vous deux. Ouais. Et Laura et Kelly. Ouais. Vous penserez à nous ce soir, hein. Oh, oui. Quand vous ferez l'amour. Hein. Oh, oui. Hein. Ah, du coup, maintenant, oui. Après avoir dit ça, maintenant, il n'y a plus moyen de faire autrement, hein. Quand vous allez célébrer cette union, on qui n'est pas encore arrivée, mais. Eh ben, on sera là. Tu vois, indirectement, mais on sera quand même parmi vous. Voilà, moi, je propose que Laura, ce soir, tu fasses oh oui, Michael. Ben voilà, exactement, oui. Non. Ah, si, attends, de toute façon, ce soir, si vous le faites, vous allez forcément penser. Exactement. À nous. Exactement. Et ben, vous allez consommer le mariage quand même, là. Ah bah oui, tu penses. Laura elle a pas attendu 30 secondes avant de confirmer, hein, ça. Oh bah ouais, je suis une grande chaudasse, qu'est-ce que tu imagines, toi? Ouais, c'est tous les soirs. Ah non, pas du tout. Faut pas spécialement attendre le mariage. Bon, ah, bah Laura. Ah non, mais avec la grossesse, on peut pas trop, hein. Ah oui, c'est vrai. Avec la grosse, on peut pas. Ah non, avec la grosse, on peut pas, hein. C'est pas tous les jours, hein. Non, j'ai trop peur de faire la mafia, en fait. Donc, non, mais en fait, pour être tranquille, Kenny, tu peux y aller sans problème. Combien de mois, Laura, là? Bientôt 7. Mais tu sais, vous savez que vous pouvez faire l'amour, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, évidemment, faut pas la pousser dans l'escalier, Kelly, hein. Mais je veux dire, faites ça correctement, quoi. Mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Non, mais moi je te dis ça. Enfin, après, si tu veux faire abstinence de moi, fais comme tu veux, mais tu peux y aller, quoi. Non. Oui, déjà 2 semaines, t'es déjà à la mort. Ah, bah voilà. Oui, j'ai été médecin dans une autre vie. Bon, bah, Laura et Kenny, passez une bonne soirée tous les deux et à bientôt sur Fun Radio. Ah, merci. Au revoir. Salut à vous. Ciao. Bye bye. Ah, André. Oui, je suis là. Rien à dire à Kenny et à Laura, hein. Ah si, félicitations, bien sûr. Ah, bah oui, bien évidemment. Félicitations. Félicitations. Bon, bah. Ouais. Si on veut caca pour Gerbis, tu devrais la bagnole des beaux-parents, je te prendrai. Hein. écoute, avec plaisir. Il n'y a pas de problème, hein, ouais. Y a pas de soucis, du champagne, c'est bon. Voilà, Audrey est disponible, il n'y a pas de problème. Merci oui, à vous tous la en tout cas. Et bon. Tati Gisette, qui voilà. Nous énerve un peu, on l'aime pas celle-là. Exactement. Et vous le recontactez, Kenny, j'attends ton mail pour l'invitation. Hein. Il n'y a pas de souci, tu sais, bon, je l'enverrai tonton. Dès qu'on trouve l'endroit, je te l'envoie. Et puis, avec plaisir. La date, tu l'envoies aussi. Impec. Salut Kenny, bonne soirée. Bonne Salut soirée, Michael, Laura, bonne soirée, soirée à tout le monde. Ciao à vous, bye bye. Et puis on a Marie avec nous, qui est avec nous là. Salut Marie. Salut. Ça va bien Marie, t'appelles pourquoi, dis-moi. Bah moi j'appelle pour savoir pourquoi mon mec il a cassé, parce qu'il m'a pas donné d'explication. Juste. Mais voilà, mais là faut que j'y aille. Il faut que je l'aille. Non, que j'y aille. Que tu y ailles. Genre, tu peux pas attendre 5 minutes, là, Marie? Ah non, là, ça fait un quart d'heure que j'attends tout le monde en train de crier. Oh, mais oui, mais c'est pas grave. Tu leur dis que t'es en direct à la radio, là, et ils vont pas nous chier une pendule, hein. Bah oui, Marie, ouais, allez, Marie. Ouais, Marie, hein. Allez, Marie. Allez, Marie, vas-y. Négocie, là, négocie. Vas-y. C'est bon, Marie? Allez Marie, je te mets même la musique. Ah t'as vu, ah, ça c'est grâce à Johnny ça, tu vois. Ça c'est grâce à Johnny ça. Bon Marie, tu restes là? Ouais je reste là. Bon bah bouge pas de là, on vient avec toi dans 5 minutes. Et puis on va se mettre aussi le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant? Tiens, j'ai Major Lazer qui est prévu aussi, tiens, pourquoi pas. Voilà, Major Lazer qui est prévu dans quelques instants. Je peux vous caler aussi Calvin Harris. Ah, Thinking About You, ça peut être pas mal ça. Et puis LOL DJs aussi tout à l'heure là. Allez, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Restez tous là, on revient en direct sur Fun. C'est Mickaël No Limit et on est là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Tous les soirs Fun Radio 20h-23h No Limit. No Limit Mickaël sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là, avec tous vos messages évidemment qui arrivent là. Ça se passe au 01 42 48 5000. Où que vous soyez en France, allez-y. Il y a toujours Pedro, hein, directeur antenne, qui est toujours là. C'est bien, il est là, il est au standard, il est à la cool, là, il est en mode standardiste, ancien standardiste de Max de Star System. Du coup ça lui manque de plus faire le standard, il préfère ça que gueuler sur les animateurs. Alors du coup il est là, il est bien, il est en mode standard, c'est cool, tranquille, il est bien. Oui, il est heureux comme un poisson dans son bocal. Voilà, Sandro qui est là également, qui est contente du coup, pour une fois qu'elle a un homme poilu à côté de lui, à côté d'elle, pardon. À côté de lui. C'est quoi ce lapsus de merde? Ouais, c'est rien, c'est un petit lapsus, va, t'inquiète pas, va. Bon, allez, si vous voulez donc appeler 01 42 48 5000, là, vous composez le numéro maintenant. On va revenir dans un instant avec Marie, là, son mec qui l'a jeté sans explication, elle voulait des conseils. Il y a également DJ No Name qui voulait réagir par rapport au lieu insolite où il a déjà fait l'amour, justement. Et puis on a toujours la colle, là, pour savoir qui va partir direction Ibiza. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et toutes les photos également de ce soir qui sont à mater sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 23h. Et bonne soirée avec Fun Radio, c'est Mickaël No Limite, on est là jusqu'à 23h hein, tout l'été, profitez-en évidemment. Et puis je rappelle qu'il y a sur le Facebook qui fonctionne, facebook.com/MIKL officiel, notamment avec la vidéo que je vous avais tapée là, c'était hier soir, vous pouvez aller la voir évidemment. C'est une vidéo où, de mode piscine, tu vois, mode à la cool, il y a deux meufs qui veulent danser, elles mettent la caméra pour se filmer. Et puis là forcément il y a un drame, donc si vous voulez voir, en tout cas c'est à mourir de rire. Vous pouvez aller voir évidemment maintenant sur le Facebook, donc facebook.com/MIKL officiel. Message de Clara qui dit sur Twitter: nous aussi on veut voir Toff mixer Polo en costard et goûter au buffet. Ah bah bien sûr, t'inquiète pas, moi je serai au bar, je peux dire que je ferai le barman, Morito party, tu vas voir. On ramène les auditeurs avec nous. Évidemment, Mathieu qui dit c'est de la bombe fun avec Mickaël, y a rien à dire. Bah merci Mathieu, c'est gentil sur Twitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Yacine qui dit: tu veux me faire plaisir, joue-nous le son de Nicky Romero avec Legacy et je serai heureux. Bah écoute, on va essayer de faire ça avant la fin de l'émission, faut juste que j'oublie pas, mais normalement ça devrait bien se passer, t'inquiète pas Yacine. Fun Radio plus fort que Mythique, c'est Mathieu qui avait envoyé le message. Oui, c'est pas faux. Et Nicolas qui dit elle abuse Marie quand même. Mais non, elle abuse pas, elle devait partir avec ses parents là, c'est bon là, a priori. On est tranquille. Juste avant de la prendre, il y a DJ No Name qui est avec nous. Allô, allô. Allô, allô, comment vas-tu Mickaël? Donc tu n'as pas de name. Non, je n'ai pas de nom. D'accord, ok, donc on t'appellera No Name, hein, voilà, tout simplement, ça me paraît pas mal. Bon, t'as 24 ans, t'appelles d'Orléans toi? C'est ça, tout à fait. Attends, parce qu'il y a quand même un truc, il faut quand même que j'arrête. C'est-à-dire qu'il y a Sandro et Pedro au standard qui sont en train de se prendre en photo. Et alors Sandro qui fait: ah non, ouais, je la refais parce que ma mèche elle tombe mal. Ça fait 20 fois qu'on l'a fait. Et non, parce que les autres photos, c'est lui qui chôme dessus. C'est un truc. Mais non, attends, Pedro est toujours beau, c'est ton patron, espèce d'idiote. Oh merde, oula, Pedro est toujours beau. Oui, putain, c'est toi qui es moche dessus, c'est une autre affaire. C'est horrible. Exactement. Donc, je vais mettre sur Instagram pour arranger ma gueule. Voilà. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu appelais par rapport aux endroits insolites pour faire l'amour, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon. Tout à fait. Alors, très bien, bon, on t'écoute. Bah, alors, en fait, j'étais en boîte avec mon ex. Oui. Et j'ai fait un pari avec le DJ contre une bouteille en fait. Ah ouais, tu fais des paris simples toi. Attends, un pari avec le DJ contre une bouteille, c'est-à-dire? Non, en fait, le pari avec le DJ, c'est que je vais faire l'amour avec ma copine et je gagnais la bouteille en fait. Mais dans la salle? C'est énorme. C'est ça, sur les banquettes de la discothèque. Attends, mais c'était une discothèque ou c'était une boîte dégueulasse, tu vois? Où va Toff? Une discothèque. Bon. Mais attends, mais c'est improbable. Et donc tu l'as fait pour une bouteille? Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est une bouteille de quoi? C'est une vieille bouteille cava dégueulasse ou c'était une vraie, c'était un vrai champagne, un vrai truc bien? Non, un vrai bon champagne. Il était délicieux, on l'a savouré à la fin. Et ta meuf, cette crevarde, elle a accepté pour avoir une tout ça pour avoir de la picole. Mais quand t'es déjà dans la soirée, tu fais tout pour avoir une. Mais ouais, tu fais tout pour la bouteille suivante. Voilà. Avec Toff, on a fait des missions de ouf, on lâchait rien. Mais ouais. On donnait tout pour ça. Ils ont déjà fait l'amour à deux. Hein. Non, on a jamais fait l'amour avec Sandro, mais on a déjà fait des missions de ouf. Ouais. Des bouteilles. Hein. De quoi, No Name? Je dis, je crois que moi et Toff, on ferait une belle paire. Ah oui, je peux de paire de cons, hein. Ouais. Puis, Mickaël, tu peux rigoler, mais des amis à toi ramassent les bouteilles et les mettent dans leur sac. Carrément pour les teaser à l'hôtel après. Oui, c'est vrai aussi, ça, c'est mais bon, parce que j'ai des amis qui sont pas très recommandables. Ouais. Enfin, on en reparlera un autre moment, ça. Hein. Bon, et donc du coup, t'en as gardé un bon souvenir, toi, pour le coup, évidemment. Ah bah oui. Ah bah ouais, c'est pas que j'ai coffé l'amour à ma copine, moi j'ai chopé la bouteille, c'était le principal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a failli se faire prendre par des videurs qui faisaient le tour des fois. Sans déconner, bah oui, forcément, c'est pas l'endroit qui est prévu pour à la base. C'est-à-dire. Ouais, non mais enfin, choper, voilà, par les videurs. Bon bah très bien, bah merci pour la petite info insolite. En tout cas, tu vas rester là, on va te filer une copie Starfloor, No Name. Ah, enfin, si on arrive à te l'envoyer, comme on n'a pas ton nom, c'est un peu emmerdant, mais on va essayer quoi. Enfin, tu vas gérer avec Sandro. Hein. Bah, sinon, on lui met une bouteille dans le studio, dans le bureau, et il vient la chercher. Ah ouais, ouais. Sinon, on te met une bouteille dans le bureau, mais dans le studio. Mais par contre, tu dois venir faire l'amour avec ta copine devant nous. Ah le sadique. Je t'irai de passer un soir, vous voir. Ouais, mais avec ta meuf. Hein, toi, on s'en fout. Hein. Ah merde. Ah bah ouais. Attends, mais tu la veux la bouteille ou pas? C'est ça. Tu veux la bouteille ou non? C'est honteux. C'est honteux. Très accueilli. Non, maintenant, je suis célibataire maintenant. Ah merde. Bon, ah, bah tant dommage. Pis alors. Bah, c'est pas grave. Bon, bah tant pis. Bah, tu reviendras quand tu seras avec une meuf. Non, je viendrai même pas. Ils ont dit, faut venir avec quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Faut venir avec quelque chose. Toujours avec un, avec un présent. Voilà. Bon, bah, allez, Nolem, je te repasse Sandro au standard. Salut à toi et bonne soirée. Ok, ça, merci. Allez, merci. À bientôt. Ciao. Et bon, comme promis, là, avant de prendre le gagnant pour la colle de ce soir, pour savoir enfin qui va partir direction Ibiza, on reprend Marie. De retour, Marie. Oui, je suis là. Parfait. Bon, Marie, toi, tu nous avais appelé donc de La Rochelle, et donc tu nous avais appelé parce que ton ex t'a acheté sans explication et tu voulais une explication, justement. Voilà. Bon, d'accord, ok. Bon, t'es restée avec lui pendant combien de temps ? Je suis restée avec lui pendant 2 mois et demi. Ouais. Et oh, ça va, mais 2 mois et demi, c'est rien. C'est rien. Bah, c'est rien, mais il m'a pas donné d'explication, il est parti, il m'a... C'est-à-dire qu'en fait quoi, vous deviez vous voir et puis vous êtes jamais vu, il a plus jamais appelé et il décroche plus, c'est ça? Bah ouais, non. Ouais, mais juste avant il me dit, on devait se voir et ouais. Finalement il est pas venu. D'accord. Et juste avant il me dit, le jour d'avant il me dit, ouais je t'aime plus que tout, t'es à moi, t'es ma femme, t'es tout ce que j'ai, et le lendemain genre... Attends, je vais te poser une question. Est-ce que entre le moment où il a dit tu es ma femme, je t'aime, blablabla, bla, bla, et le moment où il a dit on arrête là, est-ce qu'il s'est passé un truc anodin, genre vous avez couché ensemble? Non. Non, genre il a eu quelque chose qui voulait mais qu'il avait pas eu avant? Non. Genre des préliminaires ou enfin tu vois quelque chose, non? Non. Ouais, une petite gâterie quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour savoir, tu sais, parce que parfois t'as des mecs qui racontent, bah, Toff en premier ici exemple, hein, qui va te raconter n'importe quoi pour avoir la meuf, je t'aime, on va se marier. Pas, évidemment. Et puis dès qu'il a couché avec, j'ai une jambe en bois, hop. Tout ça, il sort, tout ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Attends, mais je sais ce que c'est, un serrato, tout ça, moi je leur dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Laïs qui dit on peut toujours appeler le mec pour son problème, mais il a sûrement une autre meuf. Faut sans être pessimiste, Laïs. Oui, j'avoue que c'est un peu particulier comme plan, mais écoute, bah, en même temps, toi t'aimerais bien le récupérer. Bah oui. Bah ouais. En même temps, c'est une bonne chose justement que tu puisses le récupérer, parce que je tombais sur une étude, ça m'a fait penser justement, qui est revisiter le côté sexuel de la relation peut parfois nous aider à constater qu'on n'est pas aussi malheureux qu'on le pensait. Donc, moralité, coucher avec votre ex apparemment est bon pour la santé. Ah bah tu vois. A priori. Et donc du coup, ça donne envie de le virer pour en trouver un autre. Et par exemple. Et tu voilà, sais c'est pourquoi ça. Parce que tu sais très bien comment ça va se passer. Donc ouais, si tu l'appelles, c'est que tu sais que ça va être bien. Donc forcément, c'est bon pour la santé. C'est vrai. Et après, ça peut aider aussi à faire le deuil de la relation. Ouais. Ouais, parce que du coup, une fois que tu t'es rendu compte qu'au final, il est quand même chiant. Bon, ouais, voilà. Ou peut-être pas bon au livre, ouais. Ça peut peut-être aider effectivement. Ouais. Donc ça pourrait être bien. Dites-nous d'ailleurs vous, hein, 01 42 48 5000, là, vous appelez Sandro au standard, ou pour la Belgique 02 851 4x0. Est-ce que vous avez déjà utilisé vos ex comme finalement sex friend? Tof. Oui. Bien sûr, évidemment, tout le temps. Moi, ce n'est que du sexe, friends. Surtout du friends. Non, mais ça, tu peux dire que tu ne connais pas ça. On sait jamais. Il y a Toff qui me connaît bien. Ouais. Hein, Toff? Oh, bien ouais. Évidemment. Je sais ce que tu attends de moi, mais ce n'est pas possible. Dites-nous, vous, est-ce que vous avez déjà recouché avec vos ex? Ça s'est bien ou mal passé? Dites-nous tout ça. Voilà. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est le numéro du standard pour la Belgique, en l'occurrence. Bon, Marie, tu veux qu'on essaie d'appeler ton ex? Bah ouais. Ah ouais, on peut essayer hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il lui dise un jour qu'il est fou d'elle et il la plaque le lendemain. J'avoue, c'est vraiment bizarre. J'avoue, c'est spé. Est-ce qu'on peut le préparer avec Polo? Je vais le quitter. Allez, je le quitte ce soir, je le quitte. Bon, tu veux faire la rupture? Ouais, je vais le quitter. Ouais, bon, ouais, écoute, je suis chaud. Bougeant. Marie, on l'appelle d'abord juste entre nous pour voir un peu dans quel état il est, et on le rappellera 5 minutes après avec toi, d'accord? D'accord. Bon, bouge pas. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Kevin, très bien. Alors c'est parti, on appelle Kevin. Et Toff, tu lui mets une couche de vanne. Ouais, je lui mets deux trois petites blagounettes. Allez, c'est parti. Comme ça. On y va, c'est parti. Marie, bouge pas. Et puis on aura le ou la gagnante là pour Ibiza. Et on écoutera le numéro que vous demandez. Non mais t'es sérieux, Sandro là? Bon, bah je vais. Ça fait deux fois là que le numéro il est pas attribué. Kevin, gère ça, c'est Pedro. Ouais, c'est ouf. Arrête un peu. J'ai l'impression que c'est le même numéro que tout à l'heure qu'elle a remis. Non mais t'es ouf. Oui, c'est ça, ouais. C'est dingue. Tu balances là. Bon, ouais, je veux dire un truc. Tu je vous jure. Bon, alors du coup, on fait le gagnant là. Comme ça, c'est fait. Anaïs est avec nous. Allô, Anaïs. Oui, je suis là. Oui, la tant mieux. Alors, Anaïs, on va envoyer quelqu'un. Peut-être toi, direction Ibiza. Là, on va appeler quelqu'un maintenant qui aura peut-être la réponse à la colle de ce soir. Qui s'est inscrit donc sur le Facebook ou le Twitter. C'est ce que j'avais dit. Facebook.com/MIKLOfficiel ou sur Twitter, vous cherchez MIKLOfficiel. Et si il ou elle a la bonne réponse, c'est gagné pour lui ou elle, forcément. D'accord. Et si c'est Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Stéphanie. Ou Fanny? Stéphanie, très bien. Stéphanie, tu as la réponse peut-être à la colle qu'Anaïs va te répéter maintenant. Anaïs, on t'écoute? Oui. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillée. Alors, quelle est la bonne réponse à ton avis? La langue. La langue, Anaïs? Ah oui, c'est ça. Ah. Bravo Stéphanie. On peut le tuer l'autre là. Bravo. Eh ben ouais, bravo Stéphanie, tu repars avec la caméra numérique, ça c'est pour toi. Et dans quelques minutes, en tout cas dans moins d'une heure et demie avant la fin de l'émission, on fera le tirage au sort pour savoir si c'est toi qui pars direction Ibiza. Ok. T'as déjà été à Ibiza, Steph? Non. Non, pas encore. Bah, c'est voilà, l'occasion. Ah bah, ce sera l'occasion, effectivement. En plus, t'iras avec la personne de ton choix. Moi, par la Fuck Me I'm Famous, t'iras avec qui si tu gagnes, Steph? Je suis célibataire. Ton cinéma. Une copine. Une copine, oh d'accord. Là ok. Là, oh là là, c'est assez gâché. Hein. Oh gâché. Là là, alors c'est gâché. Alors qu'avec Polo, on était disponible. Bah ouais, mais c'est, bah en même temps, il y a que deux places. Hein. C'est gâché. Bon, Steph. Bah viens, on y va à deux. Peut-être. Peut-être avant 23h, on te rappelle, Steph. Je te fais des gros bisous et tout à l'heure, peut-être. Merci. Ciao. Et Anaïs, malheureusement, c'est perdu, mais tu retournes ta chose quand tu veux, d'accord? Oui, je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, toi, tu peux, du coup. Bah alors, je fais un gros bisou à toute ma famille qui m'écoute en ce moment. À Elodie, ma voisine, et à tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien, et eh ben le message est passé, Anaïs. Il y a moyen d'avoir quand même une compile? Oui, on va te filer une compile Starfloor sans problème. Beaucoup. Salut Anaïs, gros bisous. D'accord, gros bisous. Allez, ciao à toi, retour avec Marie dans quelques instants, mais avant cela, on s'écoute Major Lazer sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h, profitez-en, venez nous parler. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bonne soirée avec Fun Radio, il y a David Guetta dans un instant, je vous cale avec Turn Me On, tiens, avec Nicki Minaj. Ah oui, en parlant de Nicki Minaj, je vous ai mis une photo aussi d'elle tout à l'heure. Oh là là. Nicki Minaj en mode sexy, allez voir sur le Facebook là. Franchement, c'est pas une photo dégueulasse, au contraire, tu vois, c'est pas comme certaines stars qui se mettent à poil pour se mettre à poil. Elle est nue, mais je veux dire, c'est subjectif, c'est caché, les cheveux passent devant, mais elle est sexy. Voilà, c'est une photo sexy, c'est pas une photo dégueulasse, c'est une photo sexy. Ouais. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Alors attendez, parce que je l'ai mis cet après-midi là. Je vais vous la mettre en haut du mur là, comme ça vous galérerez pas pour la trouver. Alors attendez, je vais vous mettre ça dans 30 secondes là sur facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, alors mettre verrouillé en haut. Voilà, hop, ça y est, c'est plié. Voilà, vous allez voir maintenant facebook.com/Mickaël officiel. Vous la verrez plus facilement comme ça. On va reparler des ex maintenant avec Juju qui a envoyé un message sur Twitter qui dit Marie, au lieu d'espérer, elle ferait mieux de se remettre en mode recherche mec, pas trop con si possible, ça c'est sûr. Axel aussi qui dit une ex, une fois que c'est dégagé, moi elle peut crever si elle donne aucune nouvelle. Lily aussi qui dit moi je veux bien venir avec Noné mais gagner la bouteille. Ah bah très bien, c'est bien ça, il sera ravi que tu fasses l'amour avec lui dans le studio pour gagner une bouteille. Anaïs aussi qui dit là, l'autre meuf, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis un message de Clara qui dit Sandra, tu es déjà très belle, rebelle-toi. Tu n'as pas besoin de mettre le caca de... j'avais oublié carrément. Caca de rossignol sur le visage. Toujours besoin de mettre un peu de caca sur son visage. Mais non, mais c'est du caca de rossignol. C'est un truc, ça se vend aux États-Unis, c'est $135 le petit pot et c'est du caca de rossignol. Donc on s'est procuré des excréments de rossignol et nous ferons l'expérience tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on a le bon numéro là du mec de Marie, enfin l'ex-mec de Marie? Marie? Oui. Ah parfait. On a le numéro était erroné ou c'est quoi? Oui, il y avait une erreur de frappe. Comme par hasard, deux fois d'affilée. Bravo, Sandro. Bon, on y va, on appelle... C'est des choses qui arrivent, nous sommes en direct. Oui, hein. Bah justement, ouais. Bon, on y va. Les aléas du direct. Mais arrête un peu ton cinéma avec les aléas, là. RTF, là. T'as cru, t'étais où, là? Sans déconner. Les aléas du direct. Bon, allez, Marie, on y va, on va appeler ton mec. Donc c'est d'abord Polo qui va lui faire une rupture. Et là, on lui met une couche de vanne. Voilà, on improvise le jeu de la rupture, sauf que d'habitude, c'est le mardi, le jeu de la rupture. Donc là, c'est comme ça. Marie, donc, s'est fait dégager par son mec. Il a donné aucune nouvelle, aucune explication, donc elle voulait savoir pourquoi. Donc la rupture maintenant, Polo, vas-y, on y va, c'est parti. Attendez, je me chauffe, j'espère. Voilà, on y va. C'est bon, c'est parfait, vas-y. Ouais. Allô, Kev? Ouais. Ça va? Oui, toi? Écoute, je sais ce que tu vas dire, mais bon, en fait, je vais y aller franco, je vais te dire la vérité. En fait, voilà, c'est terminé entre nous. Ok. Ok, tu dis ok comme ça? Hein? C'est terminé, je t'ai dit. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ouais, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, toi tu me dis c'est pas grave comme ça là. Bah ouais. Ah bon. Ah ouais, tranquille. C'est terminé. Ouais, ça va. Ah mon chouchou. Par contre, tu viendras chercher tes vêtements chez moi là. Ton slip, tout ça là, dégueulasse là. Tes ustensiles et tout. Ok. Et tu rigoles toi? Ah bah oui. Pourquoi? Normal. Pourquoi? T'as pleuré. J'ai pas pleuré. Bah, Kev. Ouais. Kev. Oui. Bah t'es fort, hein, bravo. Je t'applaudis des deux couilles, hein, moi, pour tout ça. Ouais, Kev. Tu connais la blague de la chaise? Hein? Tu connais la blague de la chaise? Non, parce qu'elle est, elle est pliante, hein. La blague de la chaise. Oh, c'est nul. Ouais, tu sais ce qui est transparent et qui court dans un champ? Il rigole moyen. Non. Un troupeau de vitres. Un quoi, là? Un troupeau de vitres. C'est nul. Et sinon, Jean-Claude Van Damme, tu sais ce qu'il fait quand il monte dans sa voiture? Ouais. Il fout le contact. Il sait toujours pas qui. On dit qui c'était. Hein. Sinon, Ah, c'est bon. Je connais un type, il est tellement petit que ses cheveux, ils sentent les pieds. Ouais, tiens, profite. Oh putain, mais c'est. Oh non, mais c'est nul. Attends, stop. Allez, pour la route, une dernière. Stop, Kevin. Oh là là là là. Kevin. Ouais. Allô, Kevin, c'est deux tomates. Non, toi, t'arrêtes directement avec tes tomates, toi. Bon, Kevin, tu t'es toujours pas demandé où t'étais là, non? Qui c'était, ces Mongolins qui étaient en train de t'appeler là, non? Ah non, mais. Ah, tu sais pas, non, mais c'est pas grave, hein. Et je le quitte, attention, je le quitte. Il me dit ouais, t'as ouais. Dis-moi, Kevin. Ouais. Non, mais en fait, on est une bande de potes là, mais c'est parce qu'en fait, tu connais Marie? Ouais. Bah, en fait, je voulais te dire que je sors avec elle, donc voilà. Bah, je m'en fous, hein. Ah bon, bah pourquoi? Apparemment, vous étiez ensemble, non? D'après ce que j'ai eu là, comme info là. Bah ouais. Eh bah alors, pourquoi tu t'en fous? Bah je m'en fous, je suis pas avec, hein. Bah si, je viens, tu viens de me dire que tu sortais avec elle et maintenant tu me dis que t'es plus avec. Non mais je sors pas avec elle. Ah bon, mais t'es sorti avec elle ou pas? Bah oui. Et c'est fini là, t'es sûr? Bah oui. Mais tu lui as dit? Bah oui. Ah bon, d'accord, ok. Non parce que, Marie. Ouais. Bah parce que visiblement elle est pas au courant, Kevin. Kevin, elle sait pas pourquoi c'est fini avec, avec elle là, tu l'as pas dit. Ouais, allez. Kevin. Ouais. Bon, pourquoi c'est fini avec Marie alors? Parce que c'est fini, c'est tout. Non, mais il y a bien une raison. T'as rencontré quelqu'un d'autre, t'as plus envie, tu l'aimes plus, je sais pas, une raison quoi. Sois un homme, dis-lui des choses. Je l'aime plus, c'est tout. Voilà, tu l'aimes plus du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu lui dis que t'es amoureux, puis le lendemain, mais tu non, l'aimes mais, plus. Non, mais pas du jour au lendemain. Presque quoi, bah, d'un jour sur deux quoi. Allez, on va pas chipoter dans le détail. C'est ça? Hein? C'est ça? De quoi? Je dis c'est ça, Kevin? Ouais. D'un jour sur deux. Bah t'aurais pu lui expliquer, hein, ça aurait été plus sympa, non, Kevin? Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. T'en auras rien à foutre, en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, t'es un petit con, t'en auras rien à foutre, toi. Allez, autant être franc, hein. Ah, bah justement, ce qu'on te reproche, c'est que tu l'as pas été, justement, tu vois, Kevin. C'est ça qui est con, tu vois. T'aurais été franc directement, au moins, elle aura pas perdu son temps, tu vois, ça aurait été plus sympa pour elle. Ouais. Hein, Kevin? Ouais. Bah, du coup, tu l'as mérité, t'as une blague de tof, tiens, bah démerde-toi, tiens, prends ça dans la gueule. Ah, cool. Alors, est-ce que tu connais la différence entre un œuf et un peigne? Non. Bah, le peigne, il se mange pas. Oh. Voilà. Bon, allez, Kevin. Bonne soirée, hein. À toi aussi. Oh, ciao. Là. Bon, Marie, laisse tomber, c'est un trou du cul, hein. T'as eu mais tant mieux qu'il se franchement, fait t'as fait la meilleure affaire du monde, hein. Il s'est barré, t'as tout gagné, là. Je te le dis avec Marie, hein. Marie. T'as pas la réponse à ta question, mais. Bah, mais non, mais de toute façon, il a même pas passé, hein. Mais non, mais bah, si, je lui ai passé, il voulait pas parler. Ah bon? Bah, ah oui. J'ai pas su, pardon, excusez-moi. Donc. Ah, désolé. Oui, je travaille, gna, on l'a compris, t'inquiète pas. Moi, j'ai rien dit là. Ouais, c'est bah, t'inquiète pas, t'y as pensé. Bon, Marie, franchement, t'as tout gagné, ce mec est un idiot. D'ailleurs, donnez vos avis, hein, si vous voulez, hein. Hashtag et Mickaël sur Twitter, là, vous nous donnez vos avis. Je l'ai quitté pour ça. Non, mais oui, mais c'est ça, mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Voilà, c'est ça. Là, j'aurais fait pareil. Bon, Marie. Ouais. Pas trop triste. Tu vas t'en remettre. Tu veux qu'on trouve un autre mec? Non, non, c'est bon. Parce que c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué de tomber sur mieux que lui, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais de toute façon, ouais, c'est clair, lâche l'affaire. De toute façon, s'il était amoureux, il réagirait pas ouais, comme ouais, ça. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Mais qu'il t'aime pas, donc ça sert à rien, tu vas pas te mettre avec un mec qui t'aime pas, quoi. Et ouais. Je pense qu'elle a droit à une petite blague de teuf. Non, non, c'est non, bon, on a déjà eu autre dose, là, c'est bon. Non, allez. Non, là, je suis au bord de. Je suis à l'excès, là, je suis à l'excès. Ouais, franchement, ouais, je suis à l'excès, là, vous m'avez saoulé avec vos blagues. Ça y est, bon, Marie, en tout cas, je te fais quand même des gros bisous, on va te faire une compile Starfloor. D'accord. Les gros bisous, il faut pas sois pas triste, Marie, d'accord? D'accord. Bon, allez. Comme ça, tu pourras faire la fête pour l'oublier. Je te passe ça au Forentin, il va te faire une blague. D'accord. Allez, allez. Tu vois, elle est contente. Allez, à tout à l'heure. Un gros bisou, Marie. Je te le passe là. Voilà, voilà tiens, je te le repasse. Je te la repasse directement. Voilà. Fais-lui la blague pour être sûr, là. Comme ça, je suis sûr que tu les croques pas. Allô, Marie? Ouais, tu sais comment on ramasse les papayes? Comment on ramasse les papayes? Il le fait. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là? Bah il est content. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il est con, alors? Bon allez, restez sur Fun Radio, on revient dans un instant. Là, il y aura dans un instant Eric. Eric qui est là pour parler de ses ex. Salut Eric. Ouais, salut. Comment va? Ouais, ça va, je suis sur Facebook là. Ah bah très bien, bah, reste-y, on va parler avec toi dans un instant Eric, d'accord? Ok, ça marche. Allez, on va parler des ex dans un instant. Restez tous sur Fun Radio. On va revenir avec Alia également, là, qui voulait aussi parler des plans cul. Et puis on aura, bah, vous aussi, hein, en direct. Vous nous appelez, d'où que vous soyez, évidemment, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne aussi sur le Facebook. Facebook.com/MickaëlOfficiel. Twitter, Instagram, tout ça fonctionne, bien évidemment. Et pour nous appeler, bah, écoutez ça. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000. C'est Fun Radio, allez hop, c'est parti! Ah voilà, ah voilà, ça me va bien. Mickaël, attendez la suite. Mickaël, no limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Exactement, ouais, tous les soirs sur Fun Radio. On est là en direct, vous balancez tous vos messages, bien entendu. Il est 21h47, ça veut dire qu'il reste 1h13 d'émission, donc profitez-en bien. Si vous voulez. Mon Dieu, 13! Ben oui, 1h13 d'émission, ça peut peut-être porter malheur, on va savoir. 01 42 48 5000, où que vous soyez en France, vous composez le numéro et puis vous arrivez directement dans le standard avec Sandro. Et puis ça marche aussi évidemment par SMS 74 900, débutez le message par M-I-K-L. Il y a toujours la photo aussi de Nicki Minaj en mode sexy qui est à mater là maintenant. Oh là là là là. Non, franchement, elle est bien. Je suis pas fan de Nicki Minaj à la base, mais vous pouvez aller voir facebook.com/MIKL officiel. Voilà, comme ça vous allez voir à quoi elle ressemble. Elle est, franchement, elle est en mode sexy, c'est pas dégueulasse, c'est pas crade. Oh non. Pour une fois, elle est pas mal. Voilà, vous y allez, vous nous donnez vos avis évidemment. Retour dans un instant avec Eric qui voulait nous parler de. Eh ben de ses plans avec ses ex, hein. Je vous avais demandé si vous aussi justement vous étiez déjà ressorti avec une ex genre en mode sex friend. Venez nous en parler, 01 42 48 5000. On en parle dans un instant, juste après le son de LOL DJs. Maintenant c'est Portilla des Bobos sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde, Mickaël Nolimitch jusqu'à 23h. Alors ici c'est beaucoup de boom boom, de temps en temps un petit peu de tchic tchac. Effectivement, c'est beaucoup de boum boum et de tchic-tchac. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Eh ben oui, effectivement. Et... Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tchic-tchac. Voilà, je rappelle que c'est toujours ce journaliste qui a été envoyé par la RTBF, donc la télévision belge, à Toumont-Rolland. Hein, et voilà son résumé. Donc. Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tchic-tchac. La grande classe, on sent que le mec est à fond dans le programme, hein, dans Toumont-Rolland. Il surconnaît. Ah bah oh là là. Ah bah non, mais là on est au top, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis sûr qu'il connaissait tous les DJ qu'il y avait là-bas. Mais bien sûr, même plus d'ailleurs, même plus que ça même. Bon, allez, soyez les bienvenus, c'est Fun Radio, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h, avec dans un instant le caca de Rossignol, mais avant cela, il y a Eric qui est avec nous là. Bonsoir Eric. Ouais, bonsoir. T'appelles ouais. Pourquoi Eric? Bah justement, je tenais à parler d'une expérience que j'ai eue avec une de mes ex. Ah oui, c'était par rapport aux ex. Ouais. Alors, non, mais en fait, c'est parce que, donc on en parlait tout à l'heure, au niveau des ex, c'était le... Je vais y arriver maintenant. C'est vrai. Au niveau des ex, je vous avais demandé est-ce que vous étiez déjà peut-être retourné avec des ex, sexuellement parlant ou pas, puisqu'on était tombé sur une info qui disait que le fait de retourner, de recoucher avec une ex, ça pouvait aider à faire le deuil de la relation. Retourner ton ex, ouais. Mais non, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, toi, du coup? Bah, moi, c'est que, j'étais avec une de mes ex, je suis resté pendant 3 ans avec. Ouais. On vivait en concubinage, tout se passait très bien, et elle a décidé de me faire coquiller avec quelqu'un d'autre. Ah, elle a décidé comme ça, s'est dit un jour, putain, ouais. Je vais le faire coquiller. Voilà. Elle a rencontré un mec, et moi je travaillais en déplacement dans le bâtiment, et je rentrais que le week-end. Et elle avait une autre relation. Et puis un beau jour, je rentre, un téléphone, je suis au travail, elle me fait, bon bah écoute, c'est pas la peine que tu rentres ce soir à la maison parce que je suis pas là du week-end. J'y fais, ah bon, ok, bon. Bah. Après, bon, il se passe quelques mois. Et après, j'avais appris entre-temps qu'elle était avec ce mec-là, quoi. D'accord. Et bon, après quelques temps, on se revoit et tout, ça se passait mal avec son mec, enfin bref. Et puis du coup j'habite dans un entrepôt, c'est que j'habitais avant, parce que bon j'avais dans un entrepôt en classe. Ouais. C'est toujours sympa, tu sais, de vivre dans un entrepôt. Voilà, toujours bien. Bon, c'est gros. Ouais, il avait 70 mètres carrés, il avait 250 mètres carrés de surface avec de la laine de roche. On passait un an. Avec de la laine de roche. Non, voilà. C'est bien parce que si tu manques de couverture, un petit bout de laine de roche et hop. Ouais, et puis en plus c'est bien, ça gratte pas. C'est comme non. ça les moustiques. Comment t'es pas emmerdé? Tu sais que ça gratte, mais tu sais pourquoi, tu vois? Non, c'est bien. Bon, et puis donc. Et puis bon, j'avais un petit appartement qui était accolé. Et puis bon, bah elle passait les week-ends avec moi et tout. Et puis bon, bah comme c'était une chose du cul, et puis bon, ben, elle court encore après. Alors tous les week-ends, elle venait à la maison, enfin disons aussi que c'était avant, et puis j'y mettais un bon petit coup, quoi. Ok. Ça, ah ouais, puis t'es classe aussi, toi, Eric, ça qui est bien. Non, mais bon, romantique et tout, quoi, jusqu'au bout. À souhait. Voilà. Romantique à souhait. Mais ouais. Bon, à vrai dire, c'était juste pour me vider les couilles, quoi. Oui, merci. Bien sûr. Mais aujourd'hui, t'es encore avec elle ou pas? Comment? Aujourd'hui, t'es encore avec elle ou pas? Non. Entre temps, j'ai reconnu quelqu'un. Oui, je me vide les couilles ailleurs, là, toi. Après, bon, ben. C'est que elle aussi, bah, c'est que j'ai dégagé il y a pas si longtemps. Et elle fait, est-ce qu'elle a fait le deuil de cette relation? Comment? Non, je demandais si elle avait fait le deuil de cette relation. J'ai pas compris. Est-ce qu'elle a fait le deuil? Bon, bref, est-ce qu'elle s'en est remise, quoi? Voilà. Ouais. D'accord. J'ai fait, bon, j'ai fait le deuil des deux relations. Non, pas toi, elle. Non, mais elle. Elle? Oui. Mon ex, de. Ouais. Parce que bon, bah, mère de famille. Les mères de famille. Parce que Toff, il voulait éventuellement prendre son ticket, mais. Elle a un gamin. Ouais, d'accord. Donc là, c'est mort, là. Très bien. Bon, bah, parfait. Mais c'est grand chez elle, parce qu'en fait, pour le moment, je suis un peu en galère, donc. C'est vrai, il y a Courbevoie, c'est pas loin de la radio. Ouais, c'est pour ça. Ouais, ça aurait été top, ça, effectivement. Ouais. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, merci, Eric, en tout cas, d'être passé avec la petite histoire, là. Voilà, bah j'espère que j'ai bien fait. Ah oui, t'as bien raconté. T'inquiète pas. Voilà. Ouais. Tu as bien choisi tes mots. Oui, voilà. C'est parfait. On a tout compris. T'as été droit au but et c'est le principal. Ah bah, j'ai l'impression que c'est un peu sa philosophie. Hein. De quoi, Eric? Pour finir, faut jamais revenir à Kinex. Ah d'accord, toi c'est le conseil. Très bien. Mais t'es gonflé. Il était bien content quand même. Hein. Ah oui. Bah il a pu aller coucher avec elle. Donc oui, effectivement. Mais je voulais savoir vous aussi, même les filles, hein, est-ce que vous êtes déjà retourné avec vos ex volontairement, juste pour les sex friends ou pas? Là, 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0. Merci Eric et passe une bonne soirée. Allez, merci. À bientôt, Eric. Ciao à toi, bye bye. Et puis on va se faire le caca de rossignol dans un instant. C'est un produit qu'on a trouvé. Alors on en a entendu parler à New York. Donc c'est 135€ le petit pot. Et apparemment on doit mettre ça sur le visage. C'est bon pour la peau et tout le bazar. C'est bon pour le teint, ça va voilà. être top. Mais alors avant de le faire, on a aussi Mam qui est avec nous là maintenant de Paris. Salut Mam. Salut. Comment ça va? Salut Mam. Ça va. Putain, j'ai l'impression de parler à ma mère. Je l'appelle aussi Mam. Ah, ouais. ça c'est une excellente chose. De quoi que j'appelle ma mère Mam? Oui. Ah, d'accord. Bon, je m'attendais okay. Combien mesures-tu? Bah, ouais, c'est vrai que c'est ton âge. Ah, ça c'est tough. Oh, ah non, c'est pas tough. C'est tough. C'est ça, ouais. Combien mesures-tu? Ça te regarde? Mais oui, ça me regarde, sinon je t'aurais pas posé la question. Non, mon petit chéri. J'ai l'âge d'être ta maman. Non, tu sais pas, tu parles à Apollo là, Mam. Comment t'expliquer là? C'est pas vraiment. Bon, d'accord, je m'en vais, voilà. Et quand bien même, tu sais, Mam, que Toff il a 32 ans, hein, donc c'est à dire que si tu l'as eu à 11 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Mais. C'est tout pas à loin. Fait. Tu devrais être heureuse qu'un homme comme moi s'intéresse à une vieille comme toi. Absolument pas. Bon, absolument qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Mam? Absolument rien. D'accord, bon. Eh ben merci d'être passé, Mam. Alors, écoute, bonne soirée, hein. Voilà. Bonne soirée à vous aussi. Donc, tu n'auras pas mes mensurations. De toute façon, tu voulais pas les donner, donc on n'est pas plus avancé, Mam. Voilà. Mais en vrai, donc, c'est très bien comme ça. Donc, d'accord. Moi, je défends Sandro. Pour. Et il est hors de question qu'elle se mette ce que vous avez ramené de l'animalerie. Eh, hey, Mam, on met de la merde sur la gueule et on fait ce qu'on veut. Mam. Oui. On parie? Non. Garde, on va le faire juste après David Guetta et Nicki Minaj. Ah si si, tu vas voir. Là en plus, tu nous as chauffé là en plus là parce que tu vois ça. T'as dit non, on a failli faire que Toff et puis là tu nous as tellement chauffé en disant hors de question qu'on va faire ça juste après David Guetta et Nicki Minaj là, ça nous a plus que chauffé là. Voilà, David Guetta et Nicki Minaj à l'instant sur Fun avec Turn Me On. Et puis je rappelle qu'il y a toujours la photo là de Nicki Minaj en mode très sexe, enfin très sexy plutôt, voilà, qui est sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, il y a un message aussi qui est arrivé. Où est-ce qu'il est? C'était un message par rapport à Nicki Minaj. Voilà, c'est ça. Thibaut qui dit: je suis pas fan de la Nicki là, mais il faut avouer qu'elle est pas mal sur la photo sur le Facebook. Ah bah t'as vu hein. Ah, je vous aime pas n'importe quoi, évidemment, si je vous le dis, c'est évident. Message aussi qui est arrivé, Nance qui dit 135 € pour de la merde. Ouais, ça fait cher, hein, cela dit, hein. Anaïs qui dit: ah bah voilà pourquoi elle passe à l'antenne, vu qu'elle défend Sandro, ça les encourage encore plus. Bah oui, mais c'est ce qu'on disait, évidemment, c'est pour ça, là, mam. Ah bon, là, plus, tiens, du coup, je pensais la reprendre. Anaïs qui dit: ah bah, attends, c'est où ça, je vais le lire. Wendy qui dit: mam, ambassadrice du féminisme, vive mam, vive Sandro. Et alors, Enzo qui dit: s'il y en a qui applaudissent, des deux couilles. Voilà, bah, très bien. Bah écoute, merci à toi pour ce message, Enzo. On va donc faire maintenant le ce petit caca alors hein, ce caca rossignol. Donc pour ceux qui viennent de débarquer, eh bien c'est des excréments de rossignol que nous avons été chercher à l'animalerie parce qu'on a vu qu'à New York en fait ça se vendait 135 € le tube et donc il faut mettre ça sur le visage et c'est bon pour la peau visiblement. Donc on va essayer évidemment, vous savez qu'on aime bien tester les trucs un peu improbables. Donc on va faire ça d'ici là maintenant tout de suite en fait mais hein. On n'avait pas dit que c'était Sandro qui essayait la première? Si Sandro va essayer la première, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pour son bien évidemment, hein. Totalement pour son bien évidemment. Bon, alors allez, attention. Je gère. T'inquiète, suis esthéticienne. Bonjour. Voilà. Vous venez pour une épilation? Voilà, l'épilation, l'épilation. Dommage du visage apparemment. Bah, t'inquiète pas, je vais te gommer le visage. Il y a des nouvelles technologies très révolutionnaires. Mais bon. Non, mais c'est parfait, tu vas voir. Bon, le gros souci c'est qu'il y a beaucoup de sable. Il avait raison, Johan. Oui. Ouais, non, c'est Yannick. Yannick, ouais, il y a du sable, donc on va mettre du, on va mettre un raid de fond. On va mettre quoi? Viens pas comme ça, j'aime pas ton regard. On va mettre quoi? Je vais mettre le caca, je le prépare là parce que c'est un peu. Ah oui, c'est vrai. Allez, courage Sandro, hein, ça va aller. Hein. Allez. Ça va aller, t'inquiète, je te dis. Attends. Eh, tu fais confiance ou pas? Attends, t'as pas. L'escargot, il est où? Je vais mettre l'escargot. Il est pas là, l'escargot. Pas d'escargot, non, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Mais laisse-moi. Bon, il y a un peu de sable, t'inquiète. Non, mais c'est tête. Normal, attends, c'est normal, t'inquiète ça fait pas. C'est de la merde, hein, ça sort des fesses. Ne t'inquiète pas. Oh là là. Pas de fesses, rossignol. Allez. Bah vas-y, ça va Sandro. Tomber sur tes vêtements. Sandro. Voilà, c'est bon pour ta peau, là. T'inquiète pas, là. On te dit, on te dit que c'est bon pour ta peau. T'as eu caca, là. Alors, reste calme. Oh, mais ça tombe. T'as déconné, putain. Je t'ai dit de te poncer. Mais oui, mais c'est toi, t'arrêtes pas de bouger. Bon, on est en train de tester. C'est un nouveau produit, là, qui cartonne apparemment à New York, aux États-Unis. C'est quand même vendu. C'est vendu. 135 € le pot, pardon. Et mais te penche pas, ça tombe. C'est improbable. C'est bon pour la peau. Mais fais pas ça, ça tombe. Et en plus on voit tout là. Ça pue. Je peux pas travailler avec. Je peux pas travailler tranquille moi. Ben non, mais c'est ça. Alors justement, fais attention, Sandro là. Reste calme. C'est bon là? On cherche une merde là. Ouais mais attends, regarde dans le sac là, parce que merci à l'animalerie et merci à Yannick hein, qui nous a donné l'excrément de rossignol. Bon, ça y est, on remet là? J'ai de la merde dans les seins quoi. Oh là là. J'ai croix, ça pue la merde. Bon ben va te laver, Tof. Allez, vas-y à ton tour non, là. C'est bon. Attends, voilà. Ne te penche pas. Tu peux y aller là, direction bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai fait une cliente là. Ah, ça y est, t'as fait une cliente? Une cliente là. Très bien, bah, il y a Tof qui arrive, mais il y a plus de travail, chez Tof. On vous mettra évidemment la photo et la vidéo, hein, sur le Facebook de l'émission, bien entendu. Les sur lingettes, vous l'enlevez pas le masque. Sur facebook.com, bah non. Je vais puer la merde toute la soirée. Exactement. Voilà, tu vas te débrouiller maintenant, hein. Allez hop, au standard. Allez hop, c'est parti, c'est avec Tof maintenant. Bonjour. Je viens de prendre les soins. Un bon soin là. Un beau soin là. C'est parti, on y va. Soignez-moi bien, parce que la dernière fois vous m'avez fait de la merde avec l'épilation. Hein. Vous êtes là, mettez-vous comme ça là. Voilà, c'est ça. Oh, c'est dégueulasse. Je sens. Non mais c'est bon, c'est bon. Non mais ça tient pas, ça colle pas, Tof. Bah ouais, mais il faut frotter. Hein. Je crois qu'il faut pas que ça tienne. Mets sur le front un peu, je pense aussi. Comment ça peut être bien sur le front oh, là. C'est dégueulasse. Ou alors fais peut-être sur au niveau de la moustache. Entre le nez, pas dans la barbe. Entre le nez, la bouche. Ça peut être pas mal ça, entre le nez, la bouche. Mais si, attends. Mais attends, et tu peux être pas bien aussi. C'est dégueulasse. Attends. Excuse-moi, il faut que je... Voilà. Ah, putain. Ah, bah tu vas être top avec ça, là. C'est simple, ça, attention. Tain, t'as de la chance d'avoir un truc gratuit comme ça, là. Tu peux te faire épiler. Tu peux te faire un petit soin du visage et tout, gratuitement. Et je suis une vraie esthéticienne, moi, je rigole pas, regarde ça. Voilà, c'est beau, là. Il faut faire le côté, là, attends. Je suis en train de vous mettre en live and direct hein, sur le Facebook. Arrête, Tof, là, c'est quoi ton cinéma, là? Je t'ai connu plus rebelle. Ça fouette, je vais vomir. Mais ça fouette de j'ai rien. Pas fini. Tu vas une partie. Attends, mais t'es pas terminé là. Ferme le nez. T'as pas terminé. Attends, il y a Carole qui est avec nous là. Bonsoir Carole. Bonsoir. Comment ça va Carole? Vomir, ça pue. Bon, vomir, on va faire un soin de vomir. Dis-moi, t'as pas essayé toi l'excrément de Rossignol? Non, c'est pas du tout mon truc. Ah bah écoute, visiblement c'est le truc de personne puisque Sandro est parti se laver, Toff et il vient de courir dehors là. Et Polo vient d'essayer également et apparemment ça sent pas la rose. Hein. Ah non, c'est. Bah il faut savoir que Toff l'a laissé dans sa voiture cet après-midi au soleil, donc forcément il a pris. Enfin il a mal vécu le truc quoi. C'est un peu ça le problème. L'odeur, ça va? Eh bah non, justement bah non, ça va là, pas, ça non. pue un truc de fou. Oh. Ah c'est violent, Ah ouais, je comprends pourquoi ils ont fui hein. Ah, dégueulasse quoi, dégueulasse. Bon bah Carole, si t'as pas essayé, bah tant pis, c'est pas grave hein. Je suis en train de mettre live and direct là sur Instagram, Facebook et Twitter là, vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre sur un des trois réseaux sociaux ou sur les trois, vous êtes les bienvenus évidemment. Je suis en train de mettre la photo de Toff en mode masque pour la peau là, pour avoir une belle peau justement. T'as une belle peau Carole toi ou pas? Ben, apparemment, je plais beaucoup. Bon, ben, tant mieux. Je suis toujours célibataire, quoi. Mais bon. Comment ça se fait, Carole? Alors? Eh ben, justement, alors. Combien mesures-tu? Attends, parce que comme Toff est pas là, il y a Polo qui va essayer. Ah, je suis bouillant, là. On se met en mode. C'est mon premier. Hein. Ouais, c'est ça, on se met en mode Toff, là. Bon. Allez, bonjour. Alors, combien mesures-tu? 1m50. Non, c'est pas mal. Combien pèses-tu? 57. C'est pas mal. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Ouh, 4C comme Carole. Comme Carole. Voilà, justement. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? J'ai vachement maigri, donc le 36 est trop grand pour moi. Eh ben très bien. Je viens à Bordeaux de suite. Bon Carole, sinon tu nous appelais pourquoi toi? Pour moi, pour les sex friends en fait. Les sex friends. Ah oui, on en avait parlé effectivement. Je vous avais demandé si vous étiez peut-être déjà retourné avec vos ex. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? Tout ça quoi. Tout à fait. Donc bon. En fait, moi, je ne suis jamais sortie avec lui officiellement. Ça a toujours été un ami sex friend. Ah bon? Ah. Et en fait, on communique que par texto. Ah, c'est original, ça dit donc. Non mais ça veut dire qu'en fait, dès que t'as envie d'une petite soirée avec lui, tu lui envoies un petit SMS et hop, il revient. C'est clair. Ah voilà. C'est. Que ça soit lui ou moi, on se contacte uniquement comme ça. Et quand il est dispo, il vient ou je vais chez lui ou on se voit autre que chez lui, chez moi. Ouais. Et dernièrement, on a essayé le club des Libertins et c'est génial. Le club Libertin. Ah ouais. Est-ce que tu veux pas partager avec moi? Ouais, arrête, mais t'es en manque ou quoi là? Mais je suis sûr célibataire, ça fait tellement longtemps. Oui, c'est vrai. Je cherche une compagne. Tu m'étonnes. Polo at Fun Radio. Et donc voilà, je le conseille à toutes les filles qui osent pas franchir le pas parce que moi j'ai reculé le pas pendant 6 ans avec lui. Et on y a été la semaine dernière et c'était le top. Le top du top. Ah ouais, donc ça c'était la première alors? Ouais, pour moi oui. Donc toi tu conseilles les clubs libertins? Oh là là. Ah ouais, non mais c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie quoi. Ouais, pourquoi pas après. Bon oui, enfin c'est à faire pour ceux qui kiffent un minimum ou envie à un moment d'y aller mais qui osaient pas, voilà, faut franchir le cap quoi. Voilà, après je force personne mais non, si bah, bien la sûr. Personne veut, voilà, autant essayer une fois et... Je suis sur Bordeaux ce week-end. Ouais. Bah pas encore, mais il va prendre son billet de train. Je vais le prendre demain, s'arranger. Ouais. Directement. Bon bah merci Carole pour les infos là. Ça peut être bien ça. Et d'ailleurs si funradio.fr. Oui, c'est vrai. A compris Polo. Bon bah merci Carole. De rien. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Gros bisous. Je vous écoute tous les soirs. Ah bah c'est gentil Carole. J'allais justement te dire de prévenir tes potes également qu'on était là tous les soirs de 20h à 23h là. Ouais, non, bah après, je vais peut-être pas dire à tout le monde aussi que je suis passée. Ah bah si, bah non, mais non, pas que t'es passée, mais que tu écoutes. Parce qu'elle a dit en plus. Hein. Non, mais pas que tu es passée, Carole, mais que inciter tes potes à écouter, c'est juste ça. Ah ok, oui. Voilà, ça tu peux faire, Carole. Si tu le fais, je t'offre des places pour un Club Libertin. Non, c'est lui qui paye, donc ça va. Ah si merde. Si tu veux, j'ai des bonnes adresses sur toi. Ça m'étonne pas. Elle est prise par moi. Bah oui, mais par quelqu'un d'autre, par un copain qu'elle communique qu'avec texto, justement. Tiens. Bon, salut Carole, je te fais des gros bisous. Ça aussi, c'est super excitant. De quoi, les textos? Ouais. Oui, bon après il y a texto, il y a plein de trucs, hein, Skype, Facebook, Twitter, c'est bien. Ouais, non, mais non, après il y a non. Non, d'accord. Donc tu préfères que à l'ancienne, toi, d'accord. Ok. Non mais pourquoi pas de problème. Bon. Si, mais au moins quand t'es au boulot et que tu peux pas faire et que t'es au boulot et qu'il t'excite, c'est génial, quoi. Oui, oui, non, d'accord, j'ai compris, Carole, très bien. Mais tu sais que tu peux le faire également aujourd'hui, avec même avec Twitter et Facebook. Hein, tu peux le faire sur ton téléphone en mode solo. Hein. Polo à Tune Radio. Oh, il est relou, lui. D'accord, non, non, mais... On s'arrête à ça. Il n'y a pas de problème, Carole. En tout cas, je te fais des gros bisous, bonne bourre. Et puis, bah, sors couverte. Hein. Salut, salut. Merci. Allez, je t'embrasse, ciao à toi. Et restez sur Fun Radio, on aura aussi dans quelques instants Alia qui est avec nous, là, qui n'arrive pas à se débarrasser de son plan cul. C'est ça, Alia? C'est ça. Bon, bah, on va en parler dans un instant. Tu restes avec nous? Il n'y a aucun problème. Parfait. Et on va s'écouter aussi le son de Florida et Carolina Marquez dans un instant. Ça te branche? Alia? Oui, oui, j'adore. Ah, parfait. On va se mettre ça dans un instant, Alia. Ne bouge pas de là. On va revenir avec toi et puis avec Ghost également dans quelques instants. Et puis donc, bah, Carolina Marquez, ce sera dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël No Limites. On est là jusqu'à 23h pendant tout l'été. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No Limites. Fun. 01 42 48 5000. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h. No Limites. No Limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, ouais. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Il n'y a plus de pub. Maintenant, on est tranquille avec, dans un instant, le son d'Avicii que je vous calerai. Ce sera Wake Me Up. Et puis Mickaël No Limites. Là, on est là jusqu'à 23h. Profitez-en avant l'arrivée de Party Fun. Tout à l'heure, à 23h, on aura aussi Alia, dans quelques instants, qui n'arrive pas à se débarrasser de son plan cul. C'est bien ça, Alia? J'ai bien résumé la situation? C'est ça, c'est un gros problème et je sais pas comment faire. Bon, bah écoute, on en parle dans un instant. Est-ce que t'as Facebook là sous la main ou pas, Alia? Ouais. Ah bah va voir, hein, j'ai mis la photo de Toff là sur facebook.com/Mickaël officiel. Photo de Toff en mode caca de rossignol. J'ai vomi. Hein. Ah bah, ah, m'étonne pas. Ah voilà, ouais, c'était un soin de la peau là. On essayait de trouver une solution pour lui là pour arranger sa peau. Donc va voir et on en reparle juste après. D'accord, Alia? Ok. Bon, parfait. Bah, reste avec nous, Alia. Et puis, bah, vous, allez-y. Hein. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. Ça y est. Il y a la photo, donc, de Toff en mode caca de rossignol. Vous allez voir. Ça m'a retourné vite. Ouais. T'imagines même pas. Grande, grande classe. On s'écoute Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio avec Florida. C'est Sing La La La. Bonne soirée, Mickaël No Limites. C'est jusqu'à 23h. C'est Fun Radio avec Carolina Marquez, la colombienne, là, avec Florida. C'était Sing La La La sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74-900. Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tchic-tchac. Exactement, vous avez choisi le bon endroit. C'est Fun Radio, Mickaël No Limites, on est là jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Et puis la photo de Toff là en mode... en mode caca de... Comment on appelle ça encore? De rossignol. Voilà, c'est ça, ouais. En mode caca de rossignol qui est donc à mater maintenant, si vous voulez, hein, sur facebook.com/Mickaël officiel. Ce qui est à mater également, c'est Nicki Minaj en mode très très très sexy. Il y a les bonbons mignons aussi que j'ai reçu de Flo, à l'auditeur là, qui a ramené ça des États-Unis, les bonbons des mignons avec moi moche et méchant là, qui ont l'air un peu bizarres. Et puis vous pouvez aussi aller regarder, bien entendu, aussi sur le Facebook la vidéo que j'ai mise, une avec le chat requin. Faut aller voir, j'en avais pas encore parlé de ça. Le chat requin, ouais, ça, en fait, c'est un petit chat. Alors, déjà, il faut être complètement barré, hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a déjà un mec qui a été mettre un déguisement de requin à son chaton. Et donc, il a foutu le chat sur un aspirateur. Vous voyez les aspirateurs automatiques, là, qui aspirent tout seul? Ouais. Trucs qui sont à ras du sol, quasiment, et qui font leur vie. Et donc, en fait, ce chat est sur cet aspirateur, sans bouger, ça qui est fort. L'aspirateur avance. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de courir. Enfin, l'aspirateur est en train d'aller au cul d'un petit canard, un caneton. Et donc t'as un chat requin qui est en train de courir sur l'aspirateur. Donc au final il court pas, mais enfin je veux dire, il est derrière un caneton avec sa tête de requin. C'est quand même assez exceptionnel. Donc si vous voulez aller voir ça, c'est une vidéo qui est improbable. Je vous la mets maintenant, tiens, je vous la mets tout en haut du mur là, sur facebook.com/Mickaël officiel. Comme ça vous allez pouvoir voir ça plus facilement. Mais c'est improbable. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Apparemment aujourd'hui c'est la journée mondiale du chat. C'est pour ça qu'ils ont sorti la vidéo aujourd'hui. Sauvez les minous. Voilà, c'est un chat déguisé en requin sur un aspirateur qui poursuit un caneton. Vous allez voir ça, c'est improbable. Donc il y a Letty qui avait dit j'en peux plus, et c'est pété de rire. Déjà il fout un déguisement de requin sur le pauvre chat qui a rien demandé. Il le fout sur un robot aspirateur et ça m'étonnerait qu'il s'y soit mis tout seul. Bon, ça après il faut voir, hein, les chats sont tellement cons. Donc facebook.com/Mickaël officiel, allez voir cette vidéo qui est juste improbable. Retour maintenant avec Alia qui est là. Allô Alia. Alia ? Allô, Alia ? Oui, Alia. Ah, Alia est là. Très bien, parfait. Alors, Alia. Oui, désolé, il y a eu un petit souci. J'ai pas poussé sur un bon bouton, là, pour ceux qui avaient eu un petit problème dans leur radio, là. Mais à coup le pas, c'est ma faute. Je mérite d'être frappé. Tu mérites le fouet. Oui, je mérite d'être frappé. J'ai fait une connerie. Alors, il y a certaines villes qui ont tout entendu, d'autres villes qui ont un peu moins entendu. Mais bon, c'était bien aussi, hein. Oui. Hein, c'était bien aussi. Bah oui, c'était bien. Bah oui, c'était bien aussi. Bon, allez hop, faisons comme si rien s'était passé. Alia. Donc, tu nous appelles parce que t'as du mal à te, enfin, t'aimerais bien te débarrasser de ton... Voilà, c'est ça, ouais. Et voilà, exactement. En fait, bon, moi, j'ai un plancher régulier. Ouais. Et ça fait un mois que je le vois, sauf qu'en fait, il commence à faire le mec amoureux, genre, il veut des câlins, ah des papes. Ah ouais, non, oh là là. Ah non, mais attends, ça se fait pas, ça veut rien dire. Ah ouais, non. Exactement, et bah, du coup, bah, j'en veux pas, parce que du coup, on a rien en commun. J'aime pas le même style de musique, on a rien du tout en commun et je le veux pas, je veux le dégager quoi. Ah, vous avez ton lit en commun quand même. Ouais, oui, ça à aussi, part mon lit, oui. Non mais c'est déjà non. Ça. Oui, c'est déjà ça, oui. Mais peut-être que c'est parce que t'es trop bien et que du coup il tombe. Ça arrive à plein de filles, hein. Ouais. Ça arrive à plein de filles. Permettez-moi de vérifier ça immédiatement. Ah, Alia, combien mesures-tu? 1m69. Combien? Ah, 69, dis donc. Ah, c'est un c'est fait exprès, comme on dirait. Hein. Bah, alors, combien pèses-tu? 70. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Ah oui, oui. C'est comme 7 énorme. Oui, voilà, c'est bah ça. Bah oui, mais une fière en plus. Ouais. Ah oui, sans blague. C'est genre. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Eh oui, il y en a autant dans le cul que dans les seins. Classe. Grande classe. Ah mais bon. Tu sur Paris, si tu cherches un nouveau plan cul, je suis disponible. Ouais, c'est ça. Non mais apparemment, je pense qu'elle aime bien les plans cul, mais classe justement. Bah, justement, moi je serais pas classe et dès qu'on a fini, je m'en vais. Mais oui, ça de ce côté-là, c'est bien le seul truc qui fait bien. C'est ce qu'elle recherche. Ça c'est clair. Mais voilà, bon, moi je lui donne ce qu'elle veut. Dis-moi, Alia, mais t'as déjà essayé de lui dire que c'était un plan cul que tu cherchais, et pas l'amour de ta vie? Mais oui, à l'origine, on était d'accord tous les deux. Au début, c'était juste ça. C'était juste pour le sexe. Et après, bah, je sais pas, il m'envoie des textos. Enfin. Ça devient compliqué. Ouais, quoi. Mais c'est parce que, mais tu sais, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'au début, il était d'accord parce qu'il avait fait peut-être envie de sauter, hein. Parlons franchement. Oui, c'est sûr. Bah oui. Voilà, c'est ça. Et que bah peut-être qu'à un moment, une fois, deux fois, trois fois, et puis il a peut-être commencé à avoir des sentiments pour toi. Mais c'est ça le problème. J'en veux pas moi. Bah ouais. Enfin, oui. Peut-être pas pour toi, mais pour ton 85C quoi. Non, mais tu vois, c'est peut-être pour eux qu'il a des sentiments. Peut-être pas pour toi. Ah ben j'espère. Bah oui, j'espère. C'est bien la seule meuf qui peut dire. Ah oh, ben j'espère qu'il m'aime pas, qu'il est juste amoureux de mes seins. Hein. Moi je veux pas le mec. Je veux pas. Franchement, je veux pas de mec sérieux pour l'instant. J'ai juste envie de m'amuser et mais voilà. Je quoi. Suis totalement disponible pour m'occuper de toi. Ouais, on a 95 C. Ouais, 85 C. Je t'emballe, Tof. Ah pardon, j'avais noté 95. Alia, excusez-moi. Alia, oui, juste pour un truc. Est-ce que, mais oui, corrige. Est-ce que tu t'es déjà masturbé avec des objets qui n'étaient pas prévus pour? Non, je te demande non, ça. Mais non, mais je te demande ça en fait parce que les pompiers de Londres ont déjà vu des choses assez étranges. Non, je dis ça parce que c'est passé sur BFM. J'y pense maintenant parce qu'il y a BFM à la télé et on a repris le son. Écoute bien. Nous avons remarqué sur les trois dernières années une tendance à la hausse. Nous avons eu 1300 appels pour des choses très étranges. Ça va de gens se masturbant avec des jouets qui restent coincés. Et ça, c'est la chose la plus courante. À des gens qui ont une partie de leur anatomie coincée avec des objets plutôt gênants. Nous avons eu un pénis dans un grille-pain, un autre dans un aspirateur. Non mais à quel moment un mec normal se dit bon ok pourquoi pas je peux imaginer le tuyau d'aspirateur. Bah ouais ça tout le monde l'a fait. Mais non jamais fait le tuyau d'aspirateur. Non, jamais branché. Il a fait. Non. Il est con. Tout le monde a fait le tuyau d'aspirateur. Bah, non, mais le grille-pain. Non mais le grille-pain quoi. Attends, on va le remettre pour ceux qui ont mal entendu ou qui pensent avoir mal entendu. Nous avons remarqué donc, c'était sur BFM, hein, BFM télé, chaîne d'information. Hein, nous avons remarqué sur les trois dernières années une tendance à la hausse. Nous avons eu 1300 appels pour des choses très étranges. Jusque là tout va bien. Ça va de gens se masturbant avec des jouets qui restent coincés. Voilà, bon ça, pourquoi c'est la pas. C'est la plus courante. Voilà. Des gens qui ont une partie de leur anatomie coincée avec des objets plutôt gênants. Nous avons eu un pénis dans un grille-pain, un autre dans un aspirateur. Eh, c'est dingue quand même. Oui, tu sais quel moment t'as fait avec l'aspirateur de maman? Bah oui. Mais... Oh. Parce que moi, je suis restée bloquée là-dessus en fait. Il a dit ça quand même. Ouais, mais bon, eh bah, aspirateur de maman, peu importe. Mais grippin. Ouais, c'est ça. Le grippin. À quel moment un mec se dit je vais me faire toaster la bite? Mais non, mais il fait pas toaster. Mais je veux dire, il se met quand même le sexe dans un grippin quoi. Parce que c'est petit, c'est ça. Mais même. Alia, tu tombais sur un mec qui dit enfin, j'ai pris mon grippin. J'ai mis mon sexe. Ouais, pourquoi faire? T'as du pain là. Non, mais je reste pas quoi. Pourtant t'as l'air déjà plutôt ouverte hein. Oui mais quand même il y a des limites. Moi je vois mon cousin, il adorait les bananes. Les bananes. Je avec des bananes. Mais comment tu fais parce que je comprends pas. Et ben tu épluches ta banane et tu mets. Non mais en fait je veux pas le savoir. Après réflexion comme ça je me suis dit mais quelle question con oui. Enfin Mike pourquoi tu poses une question aussi idiote, c'est dingue ça. Je vais essayer ce soir. Ouais tu peux. Ouais. Bon sinon il y a Clara aussi qui dit mais si tu l'aimes pas dis-lui clairement hein, les yeux dans les yeux. Il y a Enzo qui dit vous êtes fous. Bah nous pas mais ceux les Anglais là qui ont été tentés avec le grippin. Ouais je pense que eux là pour le coup effectivement. Ah, il y a Juju qui dit la vidéo avec le chat elle est trop forte avec la petite musique qui va bien et le déguisement c'est vraiment parfait. Et alors Wendy qui dit aussi sur Twitter met un pénis dans un grippin, non mais quoi? Quoi? Ouais voilà c'est ça, c'est improbable effectivement. Bon très bien la photo aussi qui est arrivée. Et puis Nicolas qui dit sur le Twitter un pénis dans le grippin faut être quand même con. Bah ouais pour le coup ouais, vraiment incroyable. Thibaut qui dit aussi énorme l'émission de ce soir. Bah c'est gentil Thibaut. Terrible le pauvre, allez j'ai pitié, gros bisous. C'est Magali qui a envoyé le message. Ah oui, ça c'est un vieux message de tout à l'heure, autant pour moi. Bon, Alia. Bon, oui. Concrètement, tu veux qu'on essaie de faire quoi pour tenter de t'aider là, pour essayer de te débarrasser de ton ex? Tu veux des conseils? Tu veux savoir si t'es déjà arrivé à d'autres mecs ou d'autres filles d'avoir un plan cul qui finalement bah commence à s'accrocher alors que toi pas du tout Mais grave, je veux des conseils, ouais. Bon, bah alors... des mecs ou des nanas. Si bon, bah très bien. Très bien. Bah, si jamais ça vous est déjà arrivé, les filles, les garçons, 01 42 48 5000, vous appelez Sandro au standard. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Alia? Non. Pas de soucis. Bon, bah, bouge pas de là. Et puis, on aura aussi le gagnant, la gagnante, là, pour Ibiza. Je sais que ça stresse, là. On a une chance sur 5, là, si vous avez joué, cette semaine à la grosse, enfin, à la colle du soir, là, vous avez une chance sur 5 de partir direction Ibiza dans quelques instants sur Fun Radio. Je vais vous appeler, là. Ça va pas tarder. On écoute le son d'Avicii, maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limite. On est là jusqu'à 23h. Bonne soirée, tout le monde. Feeling my way through the darkness. Bonne soirée sur Fun Radio, c'est Party Fun qui débarque dans 30 minutes là pour faire la teuf pendant tout le week-end, ça va démarrer là tout à l'heure. Il y a Elliot aussi qui dit je découvre l'émission ce soir et franchement je suis pas déçu, vous êtes énorme. Bah merci Elliot et sois le bienvenu surtout sur le Twitter là. Merci à toi et passe le message à tes potes également hein, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio entre 20h et 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74-900. Exactement, j'ai envie de me le remettre là. Nous avons remarqué sur les trois dernières années une tendance à la hausse. Nous avons eu 1300 appels pour des choses très étranges. Ça va de gens se masturbant avec des jouets qui restent coincés. Et ça, c'est la chose la plus courante. À des gens qui ont une partie de leur anatomie coincée avec des objets plutôt gênants. Nous avons eu un pénis dans un grille-pain, un autre dans un aspirateur. Voilà, donc ça c'était sur BFM Télé tout à l'heure hein, dans les infos. Et puis il y a Eric qui vient d'envoyer un message aussi. Alors là, attention, mesdames et messieurs, parce que là je pense qu'on est quand même au top du top là. Eric qui m'envoie un mail, enfin un message sur Facebook, il y a vraiment les types ravagés de la tête. En Suède, lundi, un homme a été retrouvé mort après avoir tenté d'avoir une relation sexuelle. Mais avec quoi, à votre avis? Ouais, je sais pas. C'est pas bien, parce qu'on rigole, mais le mec est mort, donc c'est pas cool. Mais je veux dire, il est con, quoi. Ouais, il est mort. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est en Suède, lundi. Enfin, on s'en fout. Un homme a été retrouvé mort après avoir tenté d'avoir une relation sexuelle avec quoi? Avec son moteur de bateau, tu sais, il a essayé de mettre dans le trou par rouleau. Le motoneige. Non. Mais en Suède, il fait froid. Non. Chris Prolls. Ouais, des c'est un meuble IKEA. Non. Non. Le buzzer. Non. Il a essayé de se visser. Non. Une perceuse. Non. Une tronçonneuse. Non. À la vaisselle. Un hélicoptère. Ça, c'est un truc vivant. Son chien. Non. Son chat. Non. Je vous donne un indice. C'est la cousine. La cousine des C'est un dessin animé hein, pour ceux qui connaissent pas. Un vieux dessin animé. Une abeille. Il vient d'une abeille. Non oui mais justement je dis que c'est la cousine. Un cousin. Mais comment tu veux qu'il fasse l'amour avec un frelon ou un bourdon? Non. C'est pas un frelon ou un bourdon. C'est pas une mouche. C'est le cousin. Non mais non, ça c'est une petite merde ça. Ben, je sais pas, mais là je vois. La guêpe! Voilà. Ah, bah oui. Ah oui. Un homme a été retrouvé mort après avoir tenté d'avoir une relation sexuelle avec un nid de guêpe. L'homme âgé de 35 ans a été retrouvé mort non loin de sa femme, piqué 146 fois, dont 46 fois au niveau de la bite quand même. Hein. D'après le rapport d'autopsie, l'homme aurait introduit son sexe dans un nid de guêpe avant de se faire mortellement piquer par les insectes. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu voulais qui t'arrive? Mais c'est pas possible. Non mais qu'est-ce que tu voulais qui lui arrive? Mais comment? En plus il y a sa femme. Non, mais c'est ça, femme. C'est ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est improbable. Comment est-ce possible? Chérie, j'ai un nouveau sextoy. Regarde. Oh là là. C'est un nid de guêpe. Alia, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est véridique, hein? Mais c'est juste horrible. Enfin, tu comment le mec il peut penser que c'est réaliste, enfin, qu'il peut avoir du plaisir comme ça? Mais je sais c'est quoi le plus triste? C'est la femme qui est restée en vie et qui explique ça aux gens. Oui, mon mari est mort parce que il a couché avec un nid de guêpe. Non, c'est mal, c'est parce qu'on rigole d'un mec qui est mort, mais quand même, quoi. C'est tellement improbable, c'est tellement improbable. J'imagine l'inspecteur, bon, elle est soufflée là-dedans pour. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un message qui est arrivé par rapport aux ex, plan cul. Il y a Mahoni sur le Facebook qui dit mon cousin sort avec son ex, plan cul. Et ils vont bientôt se marier, bah tu vois comme oh, quoi. Oh, c'est mignon. C'est beau la vie. Alia, peut-être que tu vas te marier aussi, hein, bientôt. Ouais, on va éviter. J'ai déjà un mariage ce week-end, on va éviter. Ouais, non, mais c'est pas toi qui vas te marier. Non, mais je veux pas rencontrer quelqu'un. Non, mais d'accord, attends, parce qu'il y a aussi Léa qui est avec nous, là, 36 ans de la Roche-sur-Yon. Salut Léa, comment on va la Vendée ce soir, Léa? Salut Mickaël. Ça vive va la Vendée. La Vendée va bien? Ouais, ça va, ouais. Les chouans. Tant mieux. Bon, Léa, tu nous appelles pour quoi, toi? Écoute, moi je t'appelle parce que des plans cul, j'en ai régulièrement. D'accord. En fait, je me prostitue. Ah, d'accord, oui, bah alors forcément, c'est plus qu'un plan cul, là, pour le coup, hein. Et donc, ouais. Bah ouais, mais d'accord. Et donc, tu voulais réagir du coup par rapport à quoi? Bah, je voulais réagir en fait, déjà par rapport au BFM TV, tu vois, ça m'étonne même pas parce qu'il y a des mecs, ils ont des demandes qui sont quand même improbables, quoi. Ah, bah oui, mais ah bon, mais genre. Ah oui. Bah, je sais pas, l'autre jour, il y a un gars, il m'a demandé si je pouvais mettre des courgettes, comme ça. Mais c'est quand même gros une courgette. Un concombre, je veux bien, mais une courgette, c'est quand même gros. Non, mais il y a un moment, mais, ouais. qu'est-ce que tu peux avoir comme kiff? Ah, peut-être que je suis con, je comprends pas, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que non, tu peux avoir comme kiff à demander à une meuf de mettre des trucs comme ça? C'est improbable. Bah, je sais pas, mais le pire, c'est que quand tu les vois, c'est des hommes ordinaires, quoi. Ils ont un boulot, ils ont. Ouais, mais c'est des pervers quand même dans leur tête, hein. Quand tu vois Toff comme ça, on dirait pas que le mec. Si, ça se voit, ça se voit peut-être un peu, c'est peut-être un mauvais exemple, c'est vrai. Mais tu vois, sinon, à première vue, comme ça passe. Ouais. À première vue. Comme vite fait, tu sais, quand tu passes comme ça. Bah, ouais, vite fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est un problème. Et du coup, toi, tu t'exécutes ou tu dis non, vas-y, casse-toi, prends tes affaires et dégage. Non, j'ai des limites quand même. Mais t'as raison, Léa, ouais. Évidemment, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que t'aurais comme conseil à filer à Léa alors pour qu'elle se débarrasse de son plan cul qui visiblement a changé d'avis et qui souhaiterait plus qu'un plan cul? Bah, est-ce qu'elle lui a dit déjà? Alia. Ah oui, je lui ai dit oui, mais je veux pas que ça y aille trop loin nous deux. Je veux vraiment qu'on reste comme on s'était dit, quoi. C'est-à-dire pas trop loin, bah, pas de sodomie. C'était juste pour plaisir de citer le mot, quoi. Ouais. Bah non, elle dit pas trop loin. Mais alors. Bah c'est loin, moi je trouve. Toy boy. De quoi, Alia et Léa? Je veux que ça soit mon toy boy. Ouais, tu veux que ça soit mon toy boy. Ouais, mais mec, des toy boys. Ah bah tu peux en trouver facilement, Alia. Regarde, moi je suis là. Bah je sais pas. Attends, écoute, on va demander l'avis. Il y a un mec qui est là également là, de Montpellier là. Salut Mathieu, comment ça va Montpellier? Bah ça va nickel, ouais. Bon, alors toi tu voulais aussi réagir par rapport au plan cul? Ouais, bah en fait tu sais, si je mets une double vie en fait. Ah toi? Ah ouais, carrément, toi c'est plus qu'un plan cul, toi tu trompes ta meuf. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, et alors c'est quoi? Vas-y, explique. Bah en fait à la base c'était un plan cul, juste un plan cul comme ça. Ouais. Et bah dans le nord, quoi. Bon, je travaillais dans le nord et bon, je me suis voilà. Quoi. Ah, t'habites à Montpellier, ton plan cul dans le nord, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ah, bon, moi, t'es tranquille, tu vois, tu risques pas de croiser ta maîtresse au coin de la rue, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est plus pratique. Ouais. Et donc? Bah voilà, donc c'est un plan cul et après, j'ai été muté dans le sud. Ouais. Et là, j'ai rencontré ma meuf, etc. Et j'aurais rien dit aux deux, quoi. T'as double vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait la meuf avec qui t'es dans le nord est persuadée que c'est la seule meuf et que t'es juste muté dans le sud et que tu peux pas faire autrement et inversement, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Oh là là, mais tu t'en mêles pas les pinceaux, maman? Non, ça va, je gère, quoi. Tu gères, ça fait combien de temps que t'es en train de te foutre de leur gueule à tous les deux? Ça fait à peu près, ouais, 2 ans, ouais. Ah, quand même. Mais il y a pas un moment t'en as pas marre, Mathieu, un moment t'as pas envie de dire d'avoir une vie normale? Bah non. Ah ouais, non mais d'accord, non mais c'est moi je posais la question comme ça. Tu veux réagir, Michael, ou pas? Ouais, vas-y Léa, vas-y. Ouais, moi je réagis parce qu'en fait la plupart des mecs que je rencontre c'est des mecs mariés quoi. Ouais, bah c'est des commerciaux, c'est voilà, c'est, ils sont pas dans leur ville et du coup mais il y en a plus qu'on croit hein, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, mais après c'est peut-être des mecs chez qui ça se passe mal, tu vois, ils sont peut-être au bord du divorce ou ça va pas du tout, ils restent ensemble uniquement pour les enfants, enfin tu vois. Mais moi ça m'est déjà arrivé, pas cool quand même. Ah, ça t'est déjà cool, c'est pas... Non, mais bien sûr, Léa, mais après, tu connais pas non plus l'histoire. Ça se trouve, la femme, c'est juste la plus grosse casse-couille. La meuf, elle est frigide. Tu sais pas, tu vois, on sait pas. Après, c'est rare que t'aies envie de partir, de tromper ta meuf si tout se passe bien à tous les niveaux. Enfin, tu vois. Ah, bah oui, c'est sûr, ça, forcément. Ouais. Voilà, donc après, je dis pas que les mecs ont raison de faire ça, hein, loin de là, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'est juste que, faut peut-être parfois aussi un petit peu plus creuser. Tu voulais dire quoi, toi, Léa? Que moi ça m'était déjà arrivé que le mec il m'avait rien dit et tout ça, et c'est au moment d'aller dans la salle de bain que en fait je me rends compte qu'il y a plein d'affaires de meufs partout. Ah, parce qu'en plus il t'a amené chez elle, enfin dans la maison. Ah putain, ça c'est dégueulasse. Non, si pas, vous trompez votre copain ou votre copine, elle est quand même pas dans le lit conjugal, c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. Un conseil, Toff va nous donner un conseil hein. Non, pas du tout, mais c'est... T'en penses quoi, toi? Moi je trouve que le lit conjugal c'est pas mal hein, non, au niveau du fantasme pas. Et de l'excitation. Ça m'étonne pas. Bon, bah merci, merci. T'as le côté, tu peux être surpris. Ouais, oui, ah bah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, waouh, génial. C'est le top ça. Mais ouais, tu sais pas t'exciter avec des bonnes choses. C'est excitant parce que ma meuf peut arriver à tout moment. Viens ici ma maîtresse, n'importe quoi. Bon, Léa et Mathieu, merci à vous deux d'être passés. En tout cas, vous revenez quand vous voulez sur Fun. Et à bientôt. Et puis on aura aussi dans quelques instants Pierre, Guillaume, Yann également. Et puis bah Léa, tu restes avec nous évidemment hein. Bon, et on se mettra Sébastien Ingrosso, ça te branche? J'adore ça. Et j'allais dire ça te chauffe, mais j'imagine que oui. Non, bah je sais pas, je demande, t'es sûr? Non, je préfère les trucs un peu plus sensuels. Sensuels, d'accord, alors bouge pas, je vais essayer de te trouver un truc sensuel, t'inquiète pas, ça va venir. Alia, reste avec nous, et donc dans un instant, bah, la dernière ligne droite avant Party Fun de Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h sur Fun Radio, bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. No Limit, 20h-23h, c'est Mickaël No Limit. Et on est en direct sur Fun Radio là jusqu'à 23h. Il reste 10 bonnes minutes avant de faire péter Party Fun évidemment pour faire la teuf pendant tout le week-end. Et ça va être la grosse fiesta. Et puis l'autre fiesta également, ce sera dans quelques instants quand on va appeler le gagnant ou la gagnante. En tout cas, grand moment. Un des deux qui partira direction Ibiza dans un instant. Et ça fait plaisir, moi j'ai envie de dire. Surtout à celui qui va partir, ce sera dans pas longtemps. Il y a Pierre aussi qui dit juste énorme, continuez comme ça. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, t'inquiète pas, on se rend bien compte de la chance là. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, t'inquiète pas, de ce côté-là, on est tranquille. Ne t'inquiète pas, voilà, vraiment pas. Merci Pierre en tout cas pour le message. Et puis plein de messages de pompiers également qui nous disent ouais, moi j'ai déjà vu plein de trucs, vous inquiétez pas aussi. À base de gens qui s'inséraient. Ou qui restait coincé dans des trucs improbables. Voilà. On va revenir dans un instant avec plein de monde encore. Il y a Guillaume, il y a Yann également dans le standard, il y a Pierre et il y a Alia qu'on va récupérer d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis bah on va se mettre aussi un petit peu de son là maintenant. Alors Sébastien Ingrosso et Reload. Ça vous chauffe? Ah bah avec plaisir, j'attends que ça. Ah carrément, l'autre est en train de bouffer là, tranquille. Ouais, ça y est, j'ai craqué. Ah bah ça y est, j'ai craqué, ouais. Allez, on écoute Sébastien Ingrosso maintenant, c'est Reload sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. When night has become the day. Allez, Sébastien Ingrosso à l'instant sur Fun Radio, c'était Reload. Voilà, maintenant le jingle, il peut partir, c'est parti. 20h, 23h. Fuck, I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Oh là là là là là là là là. Tout ce qui reste à faire encore là, tout ce standard qui est full, et puis c'est même pas 8 minutes qui reste là. Il y a Elliot qui dit Sébastien Ingrosso, Reload, j'adore. Eh bah tant mieux, Elliot, si on t'a fait plaisir. Enzo qui dit Toff, t'es un grand malade. Alexis qui dit trop bien ta libre antenne. Ben merci Alexis, puis sois le bienvenu surtout. Et puis Nico qui dit franchement, vous avez fait taper des barres toute la soirée. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de dire, on s'est bien marré nous aussi. Bon, attention, l'émission n'est pas finie. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. Et là, le suspense. Bah ouais, justement, c'est le suspense. Bon, attention, le gagnant ou la gagnante maintenant. On appelle quelqu'un qui a été sélectionné hein, pendant la semaine à la colle. Et donc, si la personne qu'on appelle décroche, elle part à Ibiza. Attention. Allô. Allô, comment tu t'appelles? Juliette. Juliette. Oui. Tu pars à Ibiza, Juliette. T'as vu un peu, ça arrive comme ça là sans prévenir. Bravo. Génial. T'es à l'écoute. Génial. Ah oui, oui, oui, c'est cool. Ah bah donc tu savais. Ah bah évidemment, évidemment. Bon bah Juliette, t'es dans quelle ville là, dis-moi. Moi je suis à Bruxelles. À Bruxelles, bah tu offres à Bruxelles Ibiza un aller simple, enfin un aller simple, un aller-retour hein, plutôt. Ah, bah, quoi que à mon avis non, ça je te dérange pas, je reste hein, là-bas. Ça te dérangerait pas d'y rester à mon avis hein. Ah non, je reste. J'imagine. Bon bah voilà, Bruxelles Ibiza, c'est pour toi Juliette. Ouais, tu repars donc avec le transport, l'hébergement, avec la personne de ton choix évidemment, l'aller-retour donc pour aller faire la teuf à Ibiza, la fuck me I'm famous. T'es plutôt Juliette. Juliette, Juliette, oui. T'es plutôt famous ou fuck me? Plutôt famous. Ah merde, je croyais que t'allais dire merde. Plutôt fuck me, d'accord, ok. Bon bah très bien. Oh, je suis trop contente, merci. Eh bah je t'en prie. Et l'appareil photo numérique, ça tu l'as gagné cette semaine déjà, donc tu gagnes le tout, il y a pas de problème. Ouais, trop cool, merci. Et je t'applaudis des deux coups. Eh bah ouais, bah gros bisous Juliette, gros je t'embrasse. Bisous, désolé pour les autres, hein. Désolé pour les autres, mais restez sur Fun puisque la semaine prochaine dès dimanche, on aura encore pas mal de cadeaux à vous offrir aussi. On aura des écrans plats 40 pouces dans tous les jeux qu'on va faire au fur et à mesure de la semaine. On aura aussi des iPods Nano, des casques DJ, bref, on a de quoi faire. Gros bisous Juliette et bon week-end. Gros bisous, merci. Et puis reste fidèle à Fun, bien évidemment. Elle est déjà partie. Ah, ça, c'est barré. Elle est déjà dans son avion pour Ibiza. J'ai pas entendu. Je disais, reste fidèle à Fun, évidemment. Elle évidemment, a pas répondu. Évidemment, bien bon, sûr. Ça va alors. Allez, salut à toi Juliette, je t'embrasse. Salut. Ciao, bye. Retour avec Alia maintenant qui arrive pas à se débarrasser de son plan cul. Là. Toujours là, Alia. Oui. Bon, parfait. Alors attention, Alia. Il y a Guillaume aussi qui voulait réagir, hein, qui nous appelle de Metz, la Lorraine. Salut Guillaume. Salut Mickaël, comment que c'est, ça va? Eh bah que ça va bien et toi? Comment que c'est? Ouais, ça va. Bonjour à toute l'équipe aussi. Bah écoute, salut Guillaume. Merci hein, à salut toi. Guillaume. Tiens, attends merci. Guillaume. Et Guillaume, avant de démarrer avec Alia, là, il y avait plein de messages qui est arrivé par rapport au mec là. C'est Eric qui nous avait envoyé un message sur Facebook pour nous donner l'info. Donc c'est en Suède, il y a un mec qui est mort parce qu'il a voulu faire l'amour à un nid de guêpe. Donc du coup, il s'est fait piquer 147 fois. Donc forcément, il a pas survécu. Et il y a Pascal Jordan ou Pascal, je sais pas quel prénom, quel nom de famille, mais bon, sur Facebook aussi, qui dit je suis pompier volontaire et je suis déjà intervenu sur un mec qui se masturbait avec son aspirateur. Il a fallu expliquer à sa femme pourquoi on a dû l'emmener à l'hôpital. Oh, tu m'étonnes. Il y avait Pierre ici, trop sympa, toute l'équipe, bravo, merci Pierre. Jérémy qui dit j'ai aussi entendu dire qu'au Canada un mec a tenté en sortant de boîte de faire l'amour à un bonhomme de neige, résultat hôpital. Bah oui, forcément. Il s'est, bah ouais, il s'est brûlé la bite. Bah il y a de fortes chances, ouais. Nicolas qui dit un nid de guêpe après le grippe, hein, il y a des gens qui sont vraiment cons. Mylène aussi qui dit mais il est complètement dingue ce type. Bah il était parce que là il est mort, hein. Steven qui dit un nid de guêpe, non mais quoi? C'est ça. Exactement. Et alors il y a quoi aussi? À quel moment tu dis je vais faire l'amour à des guêpes? C'est Denis qui avait envoyé le message. Clara qui dit il y a vraiment des fous dans le monde. Bien le bonsoir cher ami, nous t'accueillons en t'applaudissant des deux couilles. C'est Big Fun Elliot qui avait envoyé le message. Merci Big Fun Elliot. Et alors Toto aussi qui dit le ouf, moi je me suis coincé le sgeg dans un tuyau de vidange de machine à laver. Mais comment tu peux? Mais qu'est-ce que vous faites? Anaïs aussi qui dit étoffe, qui dit tout le monde l'a fait avec l'aspirateur. Non mais étoffe quoi, c'est dingue. Mais oui. Bah ouais, c'est ça. C'est je suis un sûr truc que de dingue. Je suis pas le seul, avoué. Un mais peu. Ouais. Et Maxime qui dit trop des ouf, Mickaël, je te kiffe comme toute l'équipe. Merci Maxime. Bon, Guillaume, alors, toi, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, en fait, je tombe amoureux que de lesbiennes, en fait. En fait, on est à trois amis, moi, Ludovic et Steven. Ouais. Et on tombe amoureux que de lesbiennes. Donc, du coup, on se les refoulait à chaque fois, mais de chez à chaque fois, quoi. Ah, on se les refoule pas, on se les refile. Non, et non, ils se... En fait, non, c'est en lui fait, qui a refoulé, c'est différent. C'est toi qui a refoulé. Ouais, voilà, tout à fait. En d'accord. Fait, moi, je tombe amoureux d'une lesbienne, mon pote Ludo, pareil, et mon pote Steven, pareil. On tombe à chaque fois amoureux des lesbiennes et on se fait refouler à chaque fois. Ouais, mais les gars, si vous sortez dans des boîtes gays, forcément... Bah, c'est ça, hein. Il y a un moment, ouais, si vous sortez dans des boîtes hétéro, normalement, vous devriez pas avoir de problème. Et à chaque fois, le pire, c'est qu'on tombe amoureux des mêmes lesbiennes. À chaque fois, moi, je tombe amoureux d'une fille qui s'appelle, par exemple, Sandra. Et mon pote Ludo, il va tomber deux semaines après, il va tomber amoureux d'elle, et voilà, quoi. Ouais, bah, mais ouais, ça, c'est la faute à pas de bol, mais sortez dans des boîtes hétéro, hein, vous aurez plus de chance. Ouais. Et si j'ai un conseil à donner à... Je sais plus son prénom. C'est Alia. Alia, si j'ai un conseil à te donner, c'est si le mec il te saoule de trop, fais style, t'es devenue lesbienne, hein, carrément, ça marche. Hein. Mais non, mais ça marche pas. Ah, mais en fait, les meufs, elles se foutent de ta gueule. Ça les excite encore mais plus. Mais ouais, au contraire, ouais, justement. Bah, au contraire, parce que le mec, il s'imagine un plan à trois avec deux nanas qui sont en train de se rouler des galoches. Et du coup, au final, le mec, il s'excite encore plus. Ça, c'est tous les mecs qui ont le fantasme là, c'est tous les mecs, hein. Ouais, mais quand même, enfin, après, enfin, je vais pas lui dire, je suis lesbienne, casse-toi. Tu lui dis que t'es lesbienne et tu dis à une copine à toi de rentrer dans le jeu qu'elle est lesbienne avec toi, et voilà. Mais pourquoi toute cette histoire? Dis-lui casse-toi, et basta, merci, ouais, hein. Le mec, il a pas respecté son deal. Ouais. Juste pour bien mettre la crédibilité de ton histoire, Alia, ça fait combien de temps que tu couches avec lui? Ça fait quelques semaines. Oui, donc voilà. Ça fait moins d'un mois. Non, cette histoire serait tout à fait crédible si tu lui racontais. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer. Bon, attends, il y a Guillaume. Du coup, pour le coup, donc toi, c'est que les lesbiennes, donc tu lui conseilles de simplement lui dire à son plan cul qu'en fait, elle préfère les filles, quoi. Ouais, qu'elle préfère les filles et qu'il y a plus rien, qu'elle veut plus entendre parler de lui et voilà quoi. Ok. Je sais pas si vous l'avez proposé, mais tout simplement, elle a qu'à dire qu'elle a un mec. Oui, aussi. Ouais, non, mais il va être vénère. Alors lui, c'est ce qu'il veut et elle a pas du tout envie. Ah, s'il faut, je peux me faire passer pour son mec, y a pas sans de soucis, déconner, hein. Guillaume. Évidemment que le contraire m'aurait étonné, tiens, effectivement. Bon, mais merci. Michael serait plus crédible. Ouais, aussi. Ouais, Guillaume. Michael, je peux vous dire un petit truc, là, en fait, je suis sur Marseille, en fait. Ouais. Et je suis en train de faire un style Pékin Express. Ouais. C'est-à-dire que je vis avec 2 euros par jour. Ouais. Je me fais, y a des gens qui me passent de l'argent. Et avec cet argent, eh ben, je me paye de l'hôtel, je me paye à manger, etc., etc., quoi. C'est cool. Donc c'est pas vraiment 2 euros. Je me fais, je pars le matin avec 2 euros sur moi. Ouais. Je me fais 156 euros dans la journée. Mais comment tu fais pour faire 150 boules par jour? Ben, j'arrive à me les faire, les 156 euros. Ça, là, j'ai compris, mais tu fais quoi? Là, je suis posé à l'hôtel Formula à Plan de Campagne 2 à Marseille. Ouais. Et tu peux donner le numéro de la chambre si tu veux. C'est la chambre 219. Bah, ben, voilà, comme ça au moins, maintenant vous savez où trouver Guillaume. Hein. Le mec, il va se faire braquer ce soir, il va pas comprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec les sous, avec mon collègue Steven, on s'est payé à boire, à manger, on a payé la chambre d'hôtel pour une semaine. Là, la semaine prochaine, il y a 2 potes à nous qui nous rejoignent, Serena et Samia, et on va aller après le 29 pour à Montpellier. D'accord, bon bah écoute, bah, très bien, bah écoute, bah bon kiff alors. Bah ouais, tu t'occupes bien pour les vacances. Ouais, grave, et là j'ai un défi à lancer justement à Sandro, si elle serait d'accord. Vas-y. Sandro, si tu serais d'accord, vu que demain je vais me faire 156 euros, est-ce que ça te dirait de venir sur Marseille, que je t'invite au restaurant, dans un restaurant 3 étoiles, et que je t'invite au cinéma et faire un bowling après, comme tu veux? Mec, avec 156 euros, c'est-à-dire que t'as même pas l'entrée dans un 3 étoiles. Bah oui, enfin un restaurant sur le Vieux-Port, quoi. Un restaurant. Attention, ouais. Et la réponse de Sandro? Non. Parfait, hop là. Okay. Et ben voilà, Guillaume, hein. Bah c'était bien essayé, hein. Non, merci Guillaume. Mais t'as tenté. Non mais franchement, je trouve que c'est une super idée, etc. Mais moi je suis pas du tout aventurière en fait. Ouais. Ah ouais, ça. Son gros, c'est 5 étoiles et palaces, hein. Voilà, si tu crois. Non, faut pas abuser. Elle met pas son cul dans un 3 étoiles, tu rêves ou quoi? C'est 5 étoiles palace. 5 étoiles palace minimum. Non, c'est pas ça, c'est que je suis. Elle va au Phuket. Mais non, je suis une flippette. Je me vois pas débarquer à Marseille comme ça à l'arrache. Bon, il faut que tout soit prévu et tout. Tu te payes l'hôtel aussi, hein, si tu veux. Y a pas de souci, hein. Ouais, mais ça me fait. Bon, elle va réfléchir alors. Bon, je vais réfléchir, je garde ton numéro, ouais, je te tiens. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pour quoi? C'est pour ce week-end? De quoi? C'est pour ce week-end? Ouais, c'est pour. Parfait, elle est libre. Ok, donc normalement je suis pas dispo, mais ouais. Si j'arrive à me libérer, je t'appelle. C'est ça. C'est pas une aventure. Elle préférait que tu l'invites au restaurant en face de la radio, là ça va. Ouais, t'as demandé là. Au resto en face de la radio, sans problème. Eh ben le 6 septembre je suis sur Paris, donc y a pas de souci. Le 6 septembre je t'invite au restaurant en face de la radio. Eh ben super. Eh, t'as intérêt à gagner plus que 150. Ouais. Parfait. C'est mieux que Marseille, ça fait un peu loin. Ouais, quoi. Bah c'est ça, okay, c'est bah, ça. Le 6 septembre dès que je suis en bas de la radio, je vous appelle pour descendre et que je te paye le resto. Avec alors, plaisir. Eh ben très bien. Bon bah Guillaume, salut. Passe une bonne soirée, bon week-end Guillaume. Merci Alia d'être passé. Je te fais des gros bisous également et puis bah bon courage avec ton sex friend alors. Hein. Ouais, bah ouais, je vais essayer, mais par contre, si toi t'es intéressé, y'a aucun problème. Mais écoute, Alia, je te reprends au standard. Il va te faire des blagues, tu vas te marrer, hein. Oui, ouais, je vais bouger. La chaise pliante, et bah, elle est pliante. Voilà, ça va être ça. Comment, Alia, tu peux être attiré par par ça, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ouf. Un polo, il est scotché, là. Mais non, mais y'a rien, là. C'est ça, surtout que Otto pourrait être le père d'Alia, donc. T'inquiète, le père d'Alia, arrête. Attends, quoi, Alia? Si Polo est jaloux, il n'y a aucun problème aussi. Parce que Polo, il aimerait bien qu'on fasse un truc à plusieurs. Quelle horreur. Depuis le temps qu'il en kiffe. Écoute, sur moi. Envoie-moi une photo à Polo, polo@funradio.fr. Bon, allez, Alia, je te fais des gros bisous et je te repasse au standard. Salut, gros bisous. Ciao, bye bye. Et alors, on devait avoir Ghost aussi, là, qui est avec nous, là, de Motoban. Désolé, Ghost, il y a eu plein de monde ce soir dans le standard, on n'a pas eu le temps, là. On te reprend dimanche, Ghost, si ça te dérange pas. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Bon bah désolé hein, Ghost. Je peux vous dire, je peux passer vite fait une dédicace. Bon allez vas-y parce que comme t'attends là depuis tout à l'heure là vas-y. Merci. Sympa. Donc, grosse dédicace à Miguel, à Diogo, à tous mes potes qui me reconnaîtront des mimisants. Et enfin, à toute ma famille, et Rachel, Marine et Alexandre. Voilà, et comme ça, au moins, tout le monde saura que tu voulais parler de ta copine qui a des gaz quand tu couches avec elle. Parfait. Ok, enfin, mon ex. Et je peux avoir un petit pack fun, s'il te plaît? Eh ben, on les a pas encore, ils arrivent au mois de septembre, les pack fun, Ghost. Et là, sinon, t'as quoi? Eh ben, là, j'ai rien, je te dis simplement que tu peux revenir dimanche. Ok. Voilà, pas de problème. Bah sinon après oh, t'as quoi au stock? Bah écoute, je sais pas, moi, ton verre de pain, moi je prends un iPad, c'est bon là. Un vélo? Bon gosse, on te reprend dimanche. Alors désolé aussi pour Pierre et Yann, là aussi on peut vous reprendre dimanche si vous voulez voulez réagir au sexe insolite. Pierre et Yann. Moi j'appelle dimanche. Eh bah d'accord, ouais, ok dimanche, Pierre. Ouais. Parfait, merci à vous deux les gars en tout cas, et passez un bon week-end tous les deux. Allô? Ça marche, salut à vous deux, à bientôt, enfin dimanche en l'occurrence, parfait. Bon bah voilà, bah l'émission est déjà finie là. Hein. Eh ben ouais, oh eh ben ouais, eh ben ouais, c'est Party Fun qui va démarrer dans quelques instants. Merci encore une fois à tous ceux qui étaient connectés ce soir, Twitter, Facebook, Instagram, avec beaucoup de photos et de vidéos aussi d'ailleurs à mater hein, sur le Facebook là tout au long du week-end. Et puis venez également, venez liker la page tout au long du week-end, il y aura pas mal de choses. Il y a déjà un mode barbecue ce week-end avec Toff là. Oui, c'est vrai, c'est demain. Non, c'est samedi. Donc si vous voulez voir des belles photos, je mettrai mes belles lunettes. Ouais, bah il mettra ses belles lunettes de la semaine dernière et je mettrai une photo de Toff torse nu. Ah oui, en mode athlète. Eh, par contre, si vous faites des photos, évitez les boudins de la dernière fois sur les photos. Là, parce que moi, ça me dégoûte. Moi. Voilà, en mode BG, il sera. Je ferai mon beau gosse. Voilà. Bon, merci à Juju sur le Twitter qui dit ce soir c'était vraiment génial. Bah, c'est gentil, Juju. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Etoff, qui dit à tout le monde avec l'aspirateur. Oui, ils sont perturbés avec ça. Gaëtan aussi, merci à toi. Merci à toi d'être connecté ce soir sur le Facebook. Fabien également, Corentin, Alexia. Il y avait Olivier, Yacine. Wendy, un peu comme d'habitude, il y avait Père aussi qui était connecté et tous les autres. Merci à vous toutes et tous. Et puis rendez-vous évidemment tout au long du week-end. On est connecté évidemment Facebook, Twitter et Instagram également. Hein. Vous tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre. Et évidemment, ce sera avec grand plaisir. Voilà, dans un instant, c'est Party Fun qui va démarrer sur Fun Radio. Et puis nous, on se retrouve dimanche à partir de 20h pour la dernière semaine. On sera en mode été, hein, 20h, 23h ouais. Justement. On parlera du reste. Et puis il y a plein de cadeaux aussi, on vous transmettra toutes les infos sur le Facebook. Allez, salut tout le monde et bon week-end. Bon ciao. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le son. Fun Radio.